temps de t'écrire. Carole, oui. Parle pour voir. Ah, c'est bon, t'entends. C'est le micro qui marche pas, non? Attends, on va t'approcher, approche-toi. Ouais. Vas-y, viens, Carole. Approchez-vous, mesdames et messieurs, ça va commencer. C'est Carole. Salut, Carole. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question à te poser. J'adore Ma Folie. Merci. Sur ton album, c'est pas. Enfin, la seule que j'adore dans tout l'album. Mais je voudrais savoir, elle raconte quoi cette chanson? Parce que j'arrive pas à la traduire. Et en gros, si tu as le temps. En fait, elle explique que voilà, il y a une fille qui me plaît et je raconte que c'est une nuit très spéciale. Donc bien sûr, je vais faire des folies et je vais tout faire pour essayer de la gagner et de l'avoir pour moi dans la même soirée. Il sort le grand jeu, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Bah, et finalement, il y a vraiment de tout sur cet album. Hein. Ouais. Kenji dragueur, Kenji poète, Kenji lover, Kenji ambianceur. Ouais. Oh là là, celle-là. Kenji, c'est ni plus ni moins qu'un être humain complet. C'est vrai. C'est beau. Mais oui. Kenji, il est 21h56 bientôt. On a 4 minutes d'émission encore, donc je te le dis. Non. Ça va être le live de Pour Oublier. Et là, on va tout donner. On va faire la fête avec toi. Tu vas t'installer au micro. Vous allez vous brancher sur tous les réseaux Fun Radio et Marion Enzo. Est-ce que et tu on va danser. Prêt? Avec plaisir, je suis prêt, bien sûr. Allez, tu peux aller t'installer. Nous, on ne tient plus. Tout le monde s'installe. Tout le public est en train de s'installer. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs partout, hein, funradio.fr, live Facebook, à total quoi. 31 millions de vues pour oublier, c'est énorme. Le clip est très beau, très bien fait aussi. Je tenais à le dire. Kenji, est-ce que tu es prêt? Et les prêts, ils sont tout à fait prêts. Ouais, et le public est en place, ils sont déjà en train de chanter. Ils ont pas mis longtemps à se lever. Et ben voilà, kiffé, on écoute tout de suite Kenji en live sur Fun Radio, c'est pour oublier. Attends mon pote. Qu'est-ce qu'on oublie? Ça suffit les bêtises, hein. Ah ça. Enfant des villes ou enfant des fois, un peu plus agréable s'il te plaît. On devait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on est trop. Ah ça. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Le temps qu'on passe à pleurer sans mon sel dans nos valises, c'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. Tout le monde. On ira faire la fête, plus fort, merci. Tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Y'a plus ni futur ni passé, y'a plus ni futur ni passé. C'était Kenji. Kenji en live sur Fun Radio, featuring toute l'équipe du Night Show. Ah bah. Franchement, c'était le feu, c'était tellement bon. On avait prévenu qu'on allait ruiner ce live. Et pas tant que ça, je trouve qu'on a été plutôt bon. Non, c'est vrai que là, pour une fois, on était cohérent avec les notes de musique. Ouais, c'était énorme, tout le public a chanté, tout le monde se réinstalle. Ça a été incroyable, on a dansé, Pablo était sur la chaise. Il y a même des gens qui ont fait un rock derrière moi. Ah ouais, ouais, non, mais il y a des gens qui dansent comme des ouf, quoi. On était en choré. Bravo les gars, vous êtes les meilleurs. Ouais. Merci. On te souhaite la même ambiance sur toute ta tournée parce que vraiment c'est incroyable. J'espère qu'on aura la chance de venir te voir nous aussi. La date parisienne, on la connaît pas encore, j'imagine. La date parisienne, pas encore. Non, bon, ça sera annoncé. C'est l'occasion de revenir nous voir. Ah, bien sûr, exactement, pour l'annoncer. Exactement. Kenji, et je vais pas te mentir, il est 22h, il va falloir passer le relais à Love in Fun dans un instant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déçus, de gens qui voulaient te parler ce soir. Peut-être un petit mot pour eux, tous les gens qui te suivent, tous tes fans. En tout cas, je les embrasse. Merci pour les questions. Voilà, c'est vrai que j'aurais aimé vous répondre encore à toutes les questions, mais on choisira une autre occasion pour pouvoir répondre à tout ça. Et pour que. Voilà, pour que vous avez vos réponses surtout. Mais oui, puis il a signé plein de dédicaces, on va vous en envoyer, pas de panique. Merci en tout cas Kenji d'être venu dans le live show, ça a été super cool, comme à chaque fois, très simple, très gentil, très drôle, voilà. J'ai passé un moment, putain, je vais te chialer. J'ai tout ému, quoi. Merci, mais voilà, en tout cas ici on se sent bien, voilà, à chaque fois que ça fait deux fois que je viens, deux fois que je passe un bon moment moi aussi, les amis. Ah. Yeah, c'est aussi grâce à vous, merci, grâce au public aussi qui nous donne de la force. Ouais. Tu as tout le soutien de Fun Radio et tu seras le bienvenu quand tu veux ici. Merci. Bisous. Nous, on va se retrouver en direct demain à partir de 20h sur Fun Radio et vous allez retrouver bien sûr toute l'équipe de Love in Fun avec Karel, Doc et Alice. On vous embrasse très fort. À demain. Restez sur Fun Radio. Allez, au revoir. Tous les soirs, plus de liberté. Oui. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue sur Fun Radio. On est très heureux de vous retrouver. Nouvelle soirée, tous ensemble sur Fun Radio. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Eh oui. Ah, mais les jours se ressemblent, c'est fou. Hein. On est mardi, on est très heureux d'être avec vous. On va passer toute la soirée ensemble pendant 2 heures. Le standard d'ores et déjà ouvert au 01 42 48 5000, numéro de téléphone gratuit. Appelez-nous ici, on partage tout dans cette émission, c'est ça qui est bon. On se dit tout et Love in Fun de 22h à minuit, dites-le vous bien, c'est encore plus de liberté chaque soir sur Fun Radio avec une équipe, j'ai envie de dire de compétition qui défie les lois de la pesanteur. Pourquoi? Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Je vais commencer ce soir par Doc. Ça va, Doc? Bonsoir, oui, très bien. Doc, médecin, sexologue, et aujourd'hui habillé comme si le mec avait fait une teuf à Ibiza, avec ses potes, couché de soleil et tout. Tu as gagné puisque ça vient d'Ibiza. C'est pas vrai, voilà. Sans déconner. mais tu sais que. T'es quoi? T'es trendy. Hein? Non mais si je devais être trendy. Ah ouais. Non, si je devais résumer Doc sur son look, je dirais qu'il est chic, trendy. Trendy chic on dit du coup. Bon alors après Alice elle est. Voilà, oui. Après Alice bon elle connaît mieux la mode que moi. Up to date. Non mais Alice elle est glamourousse. Glamourousse. Ça va Alice? Écoute merci, oui ça va très bien, très contente d'être là. Petit chemisier rouge au top du top et la responsable des réseaux sociaux dans cette émission. Carrément, je vous attends sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages privés avec vos numéros de téléphone si vous voulez passer à l'antenne, on vous rappelle. Ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est présent vraiment sur les réseaux sociaux tout le temps. J'ai vu une question de Marjorie qui se demande comment est-ce que tu fais pour mettre aussi bien de l'eyeliner. Eh ben écoute, je ne sais pas, j'arrête de respirer en général pour être sûre que ça bouge pas trop, mais c'est pas toujours du premier coup, tu vois. Hier, j'ai fait une pause et j'ai commencé à faire tu vois, et après j'ai remis mon eyeliner. Parce que des fois tu te loupes, tu recommences et bon bah. Eh ben, vous voilà. Vivez des choses, vous les filles, que nous on n'imagine pas. Oui, c'est vrai, on se fait du mal. Ouais, c'est sûr que imaginez Kassim. Encore que, je pense que Kassim devait se maquiller quoi, parce que je sais que quand il était plus jeune, Kassim il mettait les robes de sa mère. Et du crayon noir. Ouais, du crayon noir et du mascara. Mais alors Non, mais c'est vrai, tu mettais les robes de ta maman. Ouais, carrément, et je mettais ses grosses culottes aussi. Non, mais n'abuse pas. Attention, parce que Kassim nous a dit qu'il avait la connerie en lui aujourd'hui. Ah, ouais, grave. Ah oui. C'est vrai. De faire des conneries là. Ah ouais, bah vas-y. Je me foutre à poil, tiens. Ah ouais. Oh non, s'il te plaît. Ah, donc ça veut dire ça, être dans la connerie, c'est se foutre à poil. Ouais, aussi, ouais. Coco du Standard et Méloche, nos deux killers du Standard, ça va les amis? Ouais, on est super occupés à l'instant, il y a plein de coups de téléphone de 01 42 48 5000. Ouais, je vois surtout qu'il y a le match. Il y a un match, c'est ça? Eh putain, et sans déconner. On est en. Mais, éteignez. Non mais, il y a une télé dans ce studio, on pensait que ça allait être pour nous, bah pas du tout. C'est pour ceux qui décrochent le téléphone. N'hésitez pas à nous appeler toute la soirée sur Fun Radio. Inscrivez-vous pour l'examen. Oui, ce soir, il y aura un nouvel examen avec plein de nouvelles questions, plein de cadeaux à gagner au 01 42 48 5000. Ce soir également, nous allons accueillir un nouvel auditeur du soir. Bonsoir Manu. Bonsoir toute l'équipe, comment ça va? Ça va bien. Salut. Manu, t'as 27 ans, t'es cuistot toi? Ouais, voilà, exactement. Et cuisinier dans un petit restaurant, tu fais ça où toi? Ah non, une bonne boutique. Une bonne boutique, c'est-à-dire une place très sympathique, un bon traiteur. Un bon traiteur, d'accord. Chez le nôtre? Ah non, pas jusque-là quand même, mais il y a un bon niveau. D'accord. Et Manu, ça fait longtemps que t'écoutes l'émission, t'es infidèle toi? Ah oui, bah, j'écoute pas tous les soirs pour être honnête, mais j'écoute le plus souvent que je peux et je suis super content de pouvoir être enfin l'auditeur du soir. Et quand t'écoutes l'émission, c'est généralement à quel moment, toi, Manu? Quand tu fais quoi? Quand je suis en repos pour passer un bon moment, me détendre et écouter l'émission, et voilà. D'accord, j'ai l'impression que t'es détendu, là. Ouais, là, très détendu, hein. C'est le bon moment, là. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il est limite dans son bain. C'est ça, à se toucher un peu. Genre une main qui traîne. Ah non, mais j'ai une différence entre les auditeurs du soir à 20h et les auditeurs du soir à 22h. Parce que là, ils sont en pyjama, les mecs. Ou alors. Sans pyjama. Hein, j'ai l'impression. Alors, ce serait génial qu'un soir, on ait un couple qui fasse l'amour pendant l'émission. Ah ouais. Ça, ce serait vraiment super. Hein. Bien sûr. Ah, ça t'aimerais beaucoup aussi, Manu. Hein. Ah, bah, on serait la seule émission à le faire. Tu sais que bientôt, on va faire une émission spéciale Nuit Blanche. Oui, j'ai entendu ça hier. Ah, et le bruit court, hein. C'est la rumeur, hein. Ouais, c'est le buzz. Hein. Partout. Ça va vite, hein. Tout le monde en parle. Love in Fun va faire une nuit blanche. Là. Ça se rapproche, c'est d'ici quelques semaines. Voilà. On n'en dit pas plus. Impatient. Et on vous prépare de belles surprises. En tout cas, oui. Manu, tu vas te régaler avec nous pendant 2 heures. Tu vas faire de la radio. C'est ici l'un des privilèges, hein, de l'auditeur du soir. Tu choisis la musique aussi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah, bah alors, ce qui me ferait super plaisir, c'est un titre qui m'ambiance tout l'été, ce serait Kungs. Yeah! Dis donc, on serait peut-être pas un peu cuistot DJ aussi, Manu? Hein? C'est possible! C'est possible! On écoutera aussi Jonas Blue ce soir. Ça va chauffer dans les Bermudas. Rise! Et ça, c'est Jason Derulo. On va les réveiller, les auditeurs, ce soir, avec ça. Ah ouais, il est un petit peu DJ, c'est ce que je vous avais dit. On va les réveiller ce soir, les auditeurs, avec Jason Derulo. T'imagines si on parlait comme ça toute la soirée? Bienvenue. Alors, on va accueillir tout de suite Romain, 19 ans de Lille. Bonsoir et bienvenue dans le booster. Ça va, Romain? Salut Karel. Salut. Bienvenue, Romain. Tu nous appelles pourquoi? Alors, je vous appelle parce que voilà, ça fait maintenant un an que je suis plus avec ma copine. J'ai plus de relations sexuelles. Ah, c'est un problème. Du coup, je me masturbe, quoi, comme un peu tout le monde, je pense. Oui, alors c'est, tout le monde, je sais pas, mais Doc, tout le monde se masturbe ou pas? C'est pas 100% de la population. Non. Hein, chez les hommes, c'est 96%, je crois. Ah ouais, quand même, putain, oui. C'est beaucoup. Hein. Chez les femmes, un peu moins. Un peu moins, mais j'ai l'impression que pour les filles, elles ont un petit peu plus de mal à le dire. Oui, un peu plus de mal à le faire, c'est un petit peu moins dans la pratique et encore moins, effectivement, à l'avouer. Alors Romain, donc comme là, si c'était une faute. Tu te retrouves à te masturber puisque tu n'as plus de rapport sexuel, hein, ce qu'on peut comprendre. Voilà, c'est ça. Et que se passe-t-il? Du coup, je teste plusieurs choses. Enfin, j'ai eu un peu de mal au début, j'ai eu un peu de mal à vous contacter, etc. parce que je n'osais pas trop en parler. Oui. Mais bon, c'est le moment, je me lâche. Et donc voilà, je me masturbe. Ça m'est arrivé aussi de me mettre un doigt dans l'anus en même temps. Oui. Et j'aimerais savoir si vous auriez éventuellement d'autres astuces en fait pour se masturber, parce que j'ai regardé un peu sur YouTube des vidéos, etc. Et je regarde certaines choses, mais je trouve pas forcément de nouvelles choses. Ah. J'aimerais. Alors si je comprends bien, Romain, tu t'es dit je cherche de nouvelles techniques de masturbation, donc je vais appeler les branleurs du soir sur Fun Radio, hein, entre 22h et minuit, ça doit s'y connaître. Hein. On va passer là. Ouais. Ouais, non, mais voilà, c'est pour avoir quelques conseils, quoi. Alors Romain, déjà, tu utilises la technique du doigt dans le cul. Hein, qui consiste, ouais, à se masturber, à se mettre un petit doigt. Ça te donne du plaisir, ça? Bah oui, au début je pensais que ça allait pas du tout m'exciter, mais du coup ça le fait en fait. Alors donc, se mettre un doigt dans l'anus, Doc, c'est très fréquent. On a les dernières statistiques qui sont sorties là il y a peu de temps et qui disent, je crois, qu'on est à plus de 45% des hommes qui le pratiquent. Ah, quand tu dis on est, tu t'inclus dedans, hein, c'est ça, bien sûr. On est la gente masculine mondiale. Ah, bien sûr, plus de la moitié, presque la moitié, ouais. Mais non. Et là-dedans, il y en aurait 35% où ce serait avec un god. Avec un god. Ou un objet. Non, ah ouais, c'était objet. Ah là, je suis objet. Vachement surpris. Oui, ça m'a moi-même surpris. Parce que là, nous, on est quatre mecs dans ce studio. Je pense pas qu'il y en ait un seul, encore que. Il y en a un. Mais qui va le dire? Alors, Romain, on ne t'entend pas, par contre, quand tu parles. Hein, ça, c'est ça va être le problème. Hein, si tu veux qu'on puisse échanger tous les deux, il faut que tu parles plus fort dans le téléphone. D'accord, ok, c'est bon là. Ah là, c'est beaucoup mieux. Parfait. Des techniques pour se masturber. Moi, personnellement, c'est toujours la même. Je vais dans l'efficacité. Main droite, action, réaction, et puis. Ouais. Okay, petite éjac, très imagé, bruité. Mais bon, bah, écoute, voilà, je suis pas bruiteur professionnel. mais alors je sais que j'avais un pote qui s'amusait à dormir. Enfin, non, c'est pas qui s'amusait à dormir, mais quand il se coupait la circulation sur le bras, tu vois. Et du coup, quand il se masturbait, il avait plus de sang dans le bras. Et il avait l'impression que c'était la main de quelqu'un d'autre. Mais bon, ça c'est quand même sacrément tordu. La base. Ah oui, tu dois être beaucoup moins efficace en plus, du coup. Enfin, ah ouais, t'as le truc un peu pendant et tout machin. Quoi. Non, mais c'est ça. C'est créatif. Ah ben bien sûr. Et t'as déjà entendu parler, Doc, de techniques pour se masturber, de non, pas particulièrement. C'est vrai que moi, les patients, ils viennent pas pour me parler de ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah si, il y a le frottisme. Le frottisme. Oui, c'est une pratique un petit peu répandue, une façon de se masturber que peuvent avoir certains hommes, et aussi d'ailleurs certaines femmes, qui consiste à se frotter contre le drap, un coussin, une peluche, n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir un orgasme et l'éjaculation. Bon, après, le problème, c'est que quand on a monté sa sexualité de cette manière-là, parfois, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais, par exemple, tu pourrais essayer. Ouais, alors se frotter contre le voilà. Drap, pourquoi pas. L'autre technique, c'est plutôt que ce soit ta main qui fasse le mouvement, que ce soit ton corps qui fasse le mouvement. Voilà, une autre façon d'accord. De faire. Kassim, comment tu fais, toi? Moi, ce que je fais, c'est que je prends mes doigts, du coup, et je mets du lubrifiant, et je vais très vite. Tu sais, je monte et je descends, et après, du coup, je viens au bout de 10 secondes, et c'est bien, quoi. Moi, j'aime bien. Oui, c'est ça, tu peux utiliser des accessoires, parce que comme justement le lubrifiant, ou même, tu sais, ils font des trucs comme des œufs en silicone, les masturbateurs, quoi, tu vois. Ah, la vaginette. En fait, c'est comme une vaginette. Ah, ouais. En plus, tu peux la faire maison si t'as un petit peu d'inspiration. Ah, oui. Et donc, du coup, tu peux te masturber dans un truc en silicone, ou même, il y a les anneaux vibrants, tu vois, les trucs comme ça qui peuvent te permettre de te masturber avec des accessoires. Mais le coup du lubrifiant, il paraît que c'est vachement sympa pour certains mecs. Et en plus, tu peux même le mettre dans l'œuf masturbatoire. Oui. Mais c'est un truc que t'achètes pas très cher, quoi, tu vois, ça coûte genre 15 balles. L'œuf en silicone et tu peux te masturber à l'intérieur, avoir des sensations différentes. Est-ce que c'est le truc que j'avais filé à Kassim fois? C'est pas exactement pareil, parce que là, toi, c'était un masturbateur électrique. Genre, c'est un truc qui. Tu mettais ta teub dedans et ça vibrait. Ouais. Alors que là, en fait, c'est un œuf avec à l'intérieur des aspérités. Tu peux avoir des trucs différents, des petits picots, des trucs comme ça. Et en silicone, et en fait, tu mets ton pénis à l'intérieur et tu te masturbes, mais avec ça. Et ce qui fait que tu as la main aussi par-dessus l'œuf, donc tu sens moins le contact de ta propre main. Tu peux rajouter du lubrifiant à l'intérieur, donc tu as un effet vraiment, je vais pas dire vaginal parce que j'en sais rien, mais du moins ça s'en rapproche. Il y a plein de nouvelles sensations, il y a plein de marques qui se sont créées à faire ça, avec plein de sensations différentes en fonction des différentes aspérités qu'il y a à l'intérieur. Coco, tu te branles comment, toi?

pense plus à rien, rien, rien, rien. M'a dit, t'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon, je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier, un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant, je me remets ce vieux son de Biggie, celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Sur Fond Radio. 22h à minuit. Love in Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun depuis 22h et jusqu'à minuit, c'est tous les soirs, c'est en direct. Merci beaucoup d'être avec nous en retransmission live sur le site de Fun, funradio.fr. C'est du streaming, quoi, pour résumer. On a Manu. Manu qui est avec nous, c'est notre auditeur du soir. On parlait masturbation, Manu, avec Romain, 19 ans de Lille, qui cherchait des nouvelles techniques pour se masturber. Peut-être que toi, ouais. Manu, t'as une façon différente de faire une petite branlette le soir. Il y a quelques temps de ça, j'ai passé le pas et je me suis commandé sur internet un masturbateur pour hommes. Ouais, alors ? Et franchement, j'ai pas été déçu du résultat, je m'attendais pas à ça. Comparé à une vraie relation, on peut dire que c'est à peu près du 70% identique. Oh, t'es connerie. Ouais, avec les bisous, les sentiments, tout non, ça, la main non, dans les non, cheveux. Non. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Bah, on parle juste pour la masturbation, c'est hein, on est d'accord. Mais, question des plaisirs du moment. Un petit coup de gel, l'objet, et puis c'est parti pour une petite séance. Ouais, non, mais après. Ouais. Ah, tu le nettoies après, j'espère, Manu. Petite question d'hygiène. Ah, oui. Il y a les petits produits qui sont fournis avec et tout. Oh, et dis donc. Ah, le petit chiffon et tout, quoi. Nickel. Eh ben voilà. Alors, non, mais ça peut être une très bonne solution pour notre ami parce que ça. Ça soulage pas mal. Ah bah, Romain a essayé. C'est vrai qu'il y a pas mal de, bah voilà, d'objets qu'on peut acheter maintenant dans les sex shops ou sur internet directement. Oui, j'étais en train de penser vu qu'il a essayé aussi le doigt dans l'anus. Il y a aussi pour les hommes des stimulateurs de prostate. Ah, t'entends ça, un stimulus prostatique, Romain? Non, je ne sais plus. Non, les noms, non, j'ai pas ça, non. Oui, enfin, tu peux trouver ça si tu marques stimulateur prostate sur internet, ouais. Tu vas trouver. Ils ont enfin un super repère chez nos amis Lélo qui s'appelle Billy. En plus, il a un petit nom sympa, alors n'hésite pas. Eh ben voilà, alors on va accueillir Francis. Bonsoir Francis. Salut. Salut. Salut Francis. Sois le bienvenu sur Fun Radio. On est content de t'avoir au téléphone, Francis. Moi je suis ravi aussi de discuter avec vous. Surtout que bon, quand ça parle de cul, moi ça me plaît forcément. Je suis un ancien ardeur. Alors. Donc toi, t'as travaillé dans le porno, toi, Francis. Ouais, bah on m'appelait Francis Hussler. C'était mon petit nom de scène, hein, si je peux dire. Hein. Francis Hussler, d'accord. Ouais, ok. Donc ouais. C'était un rapport avec l'acteur Francis Hussler, peut-être. Bah c'est une petite blagounette, quoi. Enfin c'est un truc, c'est pour rigoler, quoi. Bon, d'accord. Puis après j'ai arrêté. Bah vous savez avec le mal du siècle, hein, le fléau. Vous savez ce que c'est, quoi. Bon, l'épilation intégrale, quoi. Ah, c'est-à-dire que toi, tu étais acteur à l'époque où les filles dans les films porno avaient des poils. Ah bah oui, quand il y avait le tablier de forgeron, la culotte en pilou-pilou, quoi. Non mais au moins, t'avais la sensation d'aller faire un trek dans la jungle. Là, t'as le berlingot à l'air, t'as plus rien à faire. C'est, ça manque de charme, quoi. Hein? Bah, bien sûr, je comprends, Francis, mais bon, la mode a changé. Bah la mode a changé, moi j'ai arrêté, et puis voilà, puis c'est tout quoi. Ah, mais bon, là, j'aime toujours aller au radada, hein, comme on dit. t'as travaillé dans le milieu du X pendant combien d'années, toi, Francis? Oh, on va dire une petite dizaine de piges, hein, comme ouais, ça. Ouais, 10 piges. Et t'en as brossé de la... Ah bah j'en ai brossé de la gazelle, hein. Je peux dire que... je vais dire du free-free en moquette, j'en ai épilé, hein. Ah putain de merde. Je vais dire avec mon Big Ben à deux cloches, j'ai fait sonner un paquet de fois. Hein. Justement, Francis, je me pose une question, mais est-ce que t'as un gros attribut? Parce que c'est vrai que la plupart des performeurs dans le milieu du X sont vraiment bien dotés, quoi. Ah bah moi, on m'appelait la matraque à plaisir, hein, s'il te plaît. Ah ouais. Oh là là. C'est indiscret de te demander à combien de centimètres tu pouvais monter. Oh bah moi j'étais sur du 19-20, mais tu sais, à l'époque on demandait pas des performances physiques, maintenant c'est des perches pour sauter par-dessus les, c'est des trucs olympiques maintenant. Et il y a des choses qui te dégoûtent dans le milieu du X maintenant, Francis? Bah je te dis, à part qu'il n'y a plus un poil, voilà, avant t'avais l'impression de plonger en apnée dans les profondeurs de la féminité, maintenant c'est fini, t'as plus de découverte quoi. D'accord, donc tu regrettes cette époque? Un petit peu quand même, ouais. Bah ouais, c'était. Ça avait un petit côté un peu plus champêtre. Maintenant, tu vois, c'est trop aseptisé, ça sent plus le gymnase quand tu vas sur le tournage. Ah ouais, ça sent plus le gymnase, c'est horrible. Francis, ouais. on veut des techniques de masturbation. Je te passe Romain. Romain, voilà, c'est un ancien ardeur professionnel, hein, qui ne manque pas d'humour. Ouais. Vas-y, Romain, n'hésite pas à lui poser des questions, là. Moi je vais te dire Romain, attends, je t'embraille tout de suite. Moi je vais te dire, moi je suis un peu écolo sur les bords et puis j'aime bien la cuisine. Alors la bonne vieille technique du gant de toilette avec les nouilles, c'est imparable. Hein. Comment ça marche ça? Par contre, Romain, conseil très important, les nouilles, il faut les faire cuire. Hein. Ah oui. Ah bah oui. C'est pas très agréable. Hein. Alors attention, pareil, petit conseil, si t'es poilu, évite les spaghettis, sinon ça s'en mêle dans les castagnettes. Hein. Ah ouais. D'accord. Francis, on sent une certaine expérience venant de ta part. Hein. Bah, tu sais, quand je bossais pas, que j'étais en week-end, tu sais, faut garder le rythme, hein, comme on dit. Hein. Bien sûr. Autrement, si t'as pas de pâtes, tu peux faire au sein aussi. Si t'aimes bien les patates, hein, tu peux faire une bonne purée. Hein. Ah. Bon, alors, au niveau de la sensation, c'est plus mamie en fin de gangbang, hein, comme on dit au stage. D'accord, la purée c'est plutôt comme si t'étais dans un vagin de ah, mamie, c'est horrible. De mamie en fin de gangbang. Ouais. Mais faut bagacher la nourriture, j'espère que tu la consommes après, Francis. Ah bah après ça te fait une petite crème, ah, c'est rigolo. Mais non, par contre, si t'aimes les patates, évite les chips, hein, ça raille le casque et puis le sel ça pique. Hein. Francis, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils, ça fait plaisir. Moi ça fait plaisir de vous avoir parce que franchement c'est sympa votre petite émission, ça parle de fionfion et tout, c'est rigolo. J'imagine avec une belle moustache, tu sais, des années 80. Ouais. J'ai eu la moustache, mais maintenant tu vois, c'est plus d'époque, faut arrêter. T'es comment physiquement, Francis? C'est indiscret de te le demander avant de partir? Ah non, bah tu sais, j'ai pris du bidon. Hein. Bon, je vois encore mon bout, mais plus beaucoup. tu sais, moi j'aime la bonne chair. Bah. Alors voilà, bon, je pratique toujours un petit peu, mais c'est en amateur quoi. Et est-ce qu'il y a une vie après le porno? Tu fais quoi dans la vie toi maintenant? Ah bah maintenant moi je suis un petit peu tous les métiers. Là j'ai mon petit j'ai une petite gargote là, l'été je fais ça, tu vois, je vends des glaces, je vends des merdes comme ça, tu vois. Genre baraque à frites, conneries, pizza, tu vois. Hop, je bosse un petit peu. Hop, et puis quand j'en ai marre, j'arrête. Ok, et eh ben merci beaucoup Francis de nous avoir appelé. Ouais, la belle vie, hein. Et tu reviens quand tu veux, Francis. Avec plaisir, hein. À bientôt, À bientôt, salut. Francis. À bientôt, salut. C'est un personnage, le Francis. Hein. Romain. Ouais. Romain, bon bah là au boulot, hein, va faire chauffer les pâtes. Hein. Je vais me mettre à la cuisine. Hein. Et merci d'avoir appelé Romain, on te fait une grosse bise. Merci à vous, bonne soirée. Bisous, salut poteau. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. On va tout de suite accueillir Hugo, il a 21 ans et il nous appelle de Tarbes. Salut Hugo. Salut Karel, salut toute l'équipe. Salut. Bah attendez, c'est encore Francis. Hugo. Non, Hugo, tu nous appelles pourquoi? Alors j'appelle parce que je me pose des questions. En fait, si tu veux, mon ex m'a demandé si on pouvait se remettre ensemble. Et en fait, je voulais avoir votre avis sur si ça a été bien ou pas. Enfin, je vais tout vous expliquer. Non mais j'adore Hugo parce qu'il débarque. Il débarque et tout, il a la patate et tout. Et puis là, il nous raconte son truc. C'est une histoire avec mon ex et tout. Je sais pas si je dois me remettre avec. T'inquiète pas Hugo, on va s'occuper de toi dans un instant. Et on va parler de... se remettre avec son ex, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Vous l'avez fait, vous l'avez peut-être regretté ou au contraire, c'était la plus belle décision de toute votre vie. Appelez-nous sur Fun Radio. Réagissez aussi, hashtag Love in Fun sur Twitter, le Facebook Love in Fun. Et voici Kungs sur Fun Radio. No one controls. Stargate, Be Right Here sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Here we go. À la maison, sur les routes, il y en a qui travaillent aussi le soir et qui nous écoutent, je le sais. Merci beaucoup d'être avec nous hein, tous les soirs en direct sur Fun Radio. Dédicace à tous ceux qui sont sous la couette, en train d'écouter Love in Fun avec le casque sur les oreilles, ceux qui sont connectés aussi sur le live, le streaming funradio.fr aussi se plaît. Merci à tout le monde en tout cas d'être là. N'hésitez pas à venir poser vos questions ici à la présence d'un médecin sexologue. Voilà. Et moi j'ai appris beaucoup de choses depuis que je le connais. J'ai augmenté mes performances de 10%. Hein, à peu près. Mais ça fait encore quelques jours. Seulement que je mets en application, bien sûr. Le numéro de téléphone pour nous appeler, le 01 42 48 5000. L'Instagram avec les photos sur l'Insta de Love in Fun, à aller liker. N'hésitez pas. D'ailleurs, tu as aussi un compte, Alice. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour aller voir tes photos? Eh ben, c'est Alice-du-bas Fun Radio. Voilà, c'est très simple. Eh ben, n'hésitez pas. Et moi, c'est Karel avec un K. Hein. K-A-R-E-L Fun Radio. Voilà. Ouais, c'est tout simple en fait. Hein. Absolument. On va retrouver Hugo. Il a 21 ans. Nous appelle de Tarbes. Hugo, t'es là? Yes, Karel. Ok, Hugo. Alors, raconte-nous un petit peu pourquoi t'appelles ce soir. Il y a une histoire d'ex, tu veux te remettre avec ou pas, c'est ça? Ouais, voilà. En gros, si tu veux, j'étais avec une fille pendant 6 mois. Je l'ai quittée il y a environ 2-3 mois. Ouais. Et parce qu'en fait, elle était hyper jalouse, possessive. Genre, je recevais des appels sans cesse. Je recevais énormément de messages. Ouais, tu fais quoi? Tu es où? Pourquoi t'es avec lui? Bref. Okay. Et si tu veux, j'ai dit à un moment donné stop, parce que on peut pas vivre comme ça dans une relation. Ouais. Et du coup, en fait, si tu veux, il y a quoi, il y a une semaine de ça, elle m'a recontacté et elle m'a demandé si on pouvait éventuellement se remettre ensemble. Elle m'a dit ouais, je vais changer tout ça. Ouais. Mais j'ai des doutes et je voulais avoir vos conseils, savoir si c'est une bonne solution ou pas de se remettre avec son ex. Ok, bon, alors, nous, on connaît pas personnellement ta situation avec elle, comment ça s'est passé, mais... Il n'y a pas de solution toute faite. Bah, ah, disons que, alors, la vraie question, c'est est-ce qu'elle peut vraiment changer? C'est-à-dire qu'elle était hyper jalouse au point que tu la quittes, genre prise de tête et tout, à t'envoyer des messages, à te reprocher, est-ce que genre, dans la rue, elle te disait, vas-y, tu la regardais et tout? Oui, clairement, oui. Même si c'est pas, en fait, j'ai pas cette habitude de regarder les nanas quand je suis en couple, clairement. Bien sûr. Mais elle arrêtait pas de me dire ouais, pourquoi tu la regardes, patati patata, enfin bref, des trucs comme ça quoi. Alors, tu peux te remettre avec, mais je pense que ça nécessite une bonne conversation. Où vous allez mettre carte sur table et où toi tu vas dire écoute, il y avait ça a rapport à la jalousie. Voilà, est-ce que tu as changé sur ce point? Faut vraiment être très clair. C'est assez rare globalement quand 2-3 mois, ça fait 2-3 mois que vous êtes séparés, il ou elle, les jaloux et jalouses est complètement changé. Bon, ouais. Ils peuvent évidemment, avoir un sursaut, avoir compris quelque chose et peut-être avancer. Donc on peut évidemment leur laisser une chance, mais il faut vraiment savoir où tu vas. Tu peux lui laisser une chance, dire ok, d'accord, on se remet ensemble, voyons voir. Et au premier pépin, bah tu dis bah tu vois, non, ça recommence. Ah ouais. Parce qu'en fait, on en avait déjà parlé. J'ai posé plusieurs ultimatums, genre en disant arrête ta jalousie, mais je pense que c'est qu'elle est un petit peu en mode incontrôlable entre guillemets. Donc pas prête. C'est de la jalousie maladive. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi. C'est pas un manque de confiance en l'autre. Hein, c'est un manque de confiance en soi. Positif et maladif. Oui. Voilà. C'est un manque de confiance. C'est elle qui n'a pas confiance en elle en fait. Hein, inconsciemment, pas consciemment, elle va dire mais non, mais c'est toi. Tu dois me donner des preuves. Patati patata. Ça ne marche jamais. Tu pourrais lui donner de toute façon toutes les preuves que ça irait toujours plus loin. Donc ça ne sert à rien d'aller dans le sens du jaloux ou de la jalouse et d'essayer de donner des preuves parce que de toute façon il y en aura toujours plus à donner, toujours plus, et ça ne suffira jamais. Donc, oui. Il s'agit de dire, écoute, calme-toi, point, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout, voilà, tu peux avoir confiance en moi. Évidemment que tu fais des choses dans une journée ou dans une semaine qui donnent confiance à l'autre, mais il s'agit de pas rentrer dans le jeu du jaloux ou de la jalouse. Alice, t'es déjà retournée toi avec un de tes ex ou pas? C'est non, déjà arrivé? Ça m'est jamais arrivé, mais je me suis déjà posé la question, et dans ton cas là, ça fait combien de temps que t'es plus avec? Ben, ça fait environ 2-3 mois à peu près. Parce que pour le coup, je trouve que c'est hyper court. Tu vois, pour moi, enfin selon moi, le seul moyen de se remettre avec quelqu'un, faudrait vraiment qu'il se passe un laps de temps, tu vois, qu'il y ait un vrai break et se retrouver pour une bonne raison. Là, je pense que vous connaissez encore trop, vous avez encore trop vos habitudes et du coup, vous allez retomber dans ce même cercle vicieux comme avant. Je pense que vraiment le meilleur moyen, c'est vraiment de prendre le temps, qu'elle ait un peu un déclic sans toi et toi sans elle et vous retrouver par la suite si vraiment c'est nécessaire, mais comme deux personnes différentes, tu vois, comme au début quand t'es pas totalement naturel et que tu ne te permets pas d'être jaloux, d'être possessif, d'être tout ça. Je pense que 3 mois, c'est un peu court. Vous êtes-vous déjà remis avec votre ex ? Il y a des réactions, on va accueillir Yves. Yves, il a 25 ans, il est à Montluçon. Salut Yves ! Salut tout le monde, comment ça va ? Salut ! Salut. On est en pleine forme Yves ce soir. Vraiment. Yves, t'as déjà ravalé ton vomi toi ? Tu t'es déjà remis avec une de tes ex ? Oui, malheureusement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc bon. Ah bon ? Ça m'est arrivé 2 fois. Bon. Et alors ? La première fois. Alors, ça se passe toujours mal parce que de toute façon, comme on dit tout le temps, chasse le naturel, il revient au galop. Enfin, même des fois, c'est triple galop pour certaines. Ouais. Donc, non, c'est pas une bonne idée. La première fois que je me suis remis avec une de mes ex, elle m'avait trompé. Ça faisait 6 mois qu'on sortait ensemble. Elle m'avait trompé. Ouais. Je l'avais appris. J'avais appris plus tard. Hein, j'avais appris plus tard qu'elle m'avait trompé. D'accord. On se remet ensemble quelques mois plus tard. Et même pas 3 semaines plus tard, j'apprends qu'elle me trompe avec un autre. J'ai fait dégage. Ouais. Bah là, c'était la goutte d'eau. Et la deuxième fois, Yves, que t'es retourné avec une ex, ça donnait quoi ? Alors là, c'est plutôt la fille indécise qui sait pas trop ce qu'elle veut. Alors la première fois, elle voulait rester en amitié. Et puis, quand on s'est remis ensemble, c'était la même rengaine. Donc moi, j'ai dit stop aussi. C'est pas la peine. Moi, à chaque fois, j'ai tenté de me remettre avec l'ex et elle voulait pas de moi. C'est dur. Voilà. Excusez-moi, j'ai créé un petit moment de solitude. Bah oui, on est mal à l'aise pour toi. Non, mais voilà, malaise radio. Encore hein, non, une mais, galère. C'est vrai. Et, toi, t'as eu de la chance au moins. Elle voulait revenir. Mais elle l'a trompé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Kevin est avec nous aussi. Il a 25 ans d'Aix-en-Provence. Bonsoir, Kevin. Oui, salut, bonsoir, l'équipe. Ouais, bonsoir, Kevin. Bienvenue sur Fun Radio. Aix-en-Provence. Ah, le sud de la France. Hein. Il fait beau à Aix-en-Provence, je suis sûr, en ce moment. Toujours. Toute l'année, c'est bon. Toute l'année. T'es en train de manger ton téléphone ou quoi quand tu nous parles, toi ? Non, pas du tout. Ah, Kevin, t'as une belle voix, hein. T'as une belle voix, hein, Kevin. Merci. T'as déjà pensé à faire de la chanson ? Non, ça m'intéresse pas, ça. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans la vie ? Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est surtout les voitures et les femmes. Les voitures et les femmes. Ça, c'est bon, ça. Et t'as une copine en ce moment, Kevin ? Ouais, je me suis remis avec mon premier amour. Dans le téléphone, Kevin, dans le téléphone, vraiment, fais un petit effort. Moi, je me suis remis avec mon premier amour il y a quelques mois. Oui. Et pour l'instant, c'est une très très bonne expérience, ce qu'on n'a jamais vécu. Et ton premier amour, c'était il y a combien de temps que vous étiez ensemble ? Il y a à peu près 11 ans. Ah oui, donc là, il y a eu une sacrée pause, quoi. Ah ouais, non, oui, mais ça. Oui, oui. Mais là, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que là, il y a une vraie pause, quoi. C'est pas genre une pause de quelques semaines, quoi. Bien sûr, vous avez évolué et l'un et l'autre. Et finalement. Ah oui, on a surtout grandi. Voilà. Et vos voix se rassemblent finalement. Donc, tandis que dans les autres cas, même Yves, c'est pareil. Il n'y a pas eu de conversation, de discussion, rien de spécial. Hop, on se remet ensemble juste derrière, sans qu'il y ait aucun vrai changement. Donc, se remettre avec son ex, oui, mais à des conditions. C'est ça, il faut parler, Hugo. Ça va être vachement important. Yes. Hein. Si tu lui dis pas vraiment ce que tu ressens au fond de toi et ce que tu avais à lui reprocher, s'il n'y a pas un vrai travail que vous faites tous les deux, ça. Oui, prendre des engagements. Ça va merder, par exemple, dire voilà, il y avait ces points-là, ok, comment tu as avancé dessus ou comment tu vas avancer dessus et prendre des engagements. Ok, si ça se passe comme ça, voilà. Bon, c'est une des hypothèses possibles. Kassim, tu t'es remis avec ton ex, toi, une ouais, fois c'était une meuf qui voulait ressortir avec moi. Je lui dis oui, vas-y, ok, je l'ai baisé, après je l'ai retège. Kassim, mais t'es vraiment un enfoiré. En gros, t'es un salopard. Ah ouais, non mais, enculé, Kassim. T'es honteux. Non, mais elle voulait se remettre avec moi. Bah, on a pris du plaisir ensemble, on a pris du bon temps. Ah, mais c'est ce qu'on appelle, tu sais, un goujat. Ah oui. Hein, tu vois, c'est mec qui reste. Un fumier. Un connard. Et Kevin, vas-y, lâche-toi sur Kassim. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Kassim, Kevin? C'est pas bien de faire ça. Pour moi, c'est C'est exactement les connards qui font ça, quoi. Voilà, ah, les bonnes grosses merdes. Mais moi, je baise. Et clairement, moi, j'ai dit un truc. Ouais, vas-y, dis-lui. Ah, dis-lui, Kevin. Et clairement, je vais te dire un truc. Moi, je supporte pas ce genre de gars qui ressortent avec des ex ou qui sortent avec des filles juste pour faire leur petite affaire. Et clairement, je t'aurais en face de moi, je t'aurais pété la gueule. Mais tu viens quand nous voir en studio? Allez, Hugo, Hugo, Hugo, j'adore. On va te payer un voyage tout frais payé. Ah ouais, tu vas venir. Ah, t'inquiète, aux petits oignons. Paris, donc, Hugo viendra casser la gueule de Kassim au nom de toutes les femmes. Je peux venir moi aussi lui casser la gueule. Bien sûr, Kevin. Venez tous. Et les grandes gueules, là. On va arrêter de faire les 48 heures avec Love in Fun. On va faire qui veut casser la gueule de Kassim. Ouais, oui. Et je vous attends, là, chouchou, là. Hein, t'en as pas marre de pas respecter les femmes, Kassim? Mais je m'en fous. Alors tu vas te faire encore péter le nez, tu feras plus le malin, toi. Kevin, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé. Pareil pour Yves, vous revenez quand vous voulez. Merci d'avoir partagé comme ça vos expériences, vos témoignages. Il y a eu du pour, il y a eu du contre, forcément. Hein. Et Hugo, fais le bon choix, en tout cas, te prends pas trop la tête. Et Karen? Oui. Je voudrais juste faire une pub pour ma chaîne YouTube. Attends. Ça dépend. Ah, quel est le contenu de cette chaîne YouTube? Alors, il y a des vidéos de tous les styles, des playlists, des choses comme ça, quoi. Des vidéos sur, justement, tout ce qui tourne autour des violences commises aux femmes, des choses comme ça, quoi. Des violences commises aux femmes? Oui, parce que on sait, en fait, je sais pas si vous le savez, mais une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint, et clairement, ça ne peut plus durer. Ah bah j'ai fait une vidéo par rapport à ça, par rapport au harcèlement. Harcèlement. D'accord. Écoute, c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube, Hugo? On ira voir. Yes, c'est Ma vie en vidéo. Ma vie en vidéo. Eh ben, merci Hugo et salut à toi. Gros gros bisous. Dans un instant sur Fun Radio, nous allons jouer. On va passer l'examen Love in Fun avec Kevin de Valence face à Taylor de Douai. Bonsoir Taylor. Bonsoir Kevin. Salut toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Vous allez vous affronter dans un instant. Vous êtes chaud ce soir? Ah oui, je suis chaud patate moi. Ils sont chaud patate. Restez avec nous. On va revenir en plus avec le nouveau Aya Nakamura et Copine. À tout de suite. Lucas, petite question toute bête, qu'est-ce que t'as entendu il y a 2-3 minutes sur l'antenne de Fun Radio? J'ai entendu le double fun avec deux titres de David Guetta à la suite. Lucas! Oui? Tu peux avoir David Guetta à Amsterdam! Oh, merci Fun Radio, putain, c'est génial! Merci! Oh, j'en crampe, putain! Tu vas partir tout frais payé à Amsterdam, faire la fête avec David Guetta et puis fêter évidemment la sortie de son nouvel album Seven. Ah, c'est génial, ça le merci. Hein. Gagnez votre rencontre avec David Guetta à Amsterdam. C'est le double fun. Sur Fun Radio, le son dance floor. Bon, maman, la voiture électrique, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Quand je serai sûre qu'on peut aller loin avec. Mais t'inquiète pas, il y a plus de 25 000 bornes de recharge en France. Ah oui? Et j'en veux une très design. Ça tombe bien, la BMW i3 est trop stylée. Et c'est là au moins. Ok ma chérie, on file chez BMW i. BMW i3 plus connected avec charge rapide pour récupérer jusqu'à 160 km d'autonomie en 40 minutes. À partir de 295 € par mois sans apport. Loyer pour une BMW i3 sous conditions de reprise, bonus écologique inclus, LLD 36 mois, 30 000 km jusqu'au 30 septembre. Détails sur bmw.fr. T'es en panique quand tu te souviens que t'as dit à la fille la plus fraîche de la soirée que t'étais dresseur de tigre. Mais quand elle t'envoie un selfie avec un verre de Sunny Delight Ice Tea Pêche Acérola en te disant « J'ai les crocs !» Alors là, tu kiffes. Nouveau Sunny Delight Ice Tea. Drink sunny and enjoy. Pour votre santé, bougez plus. Si vous pensiez tout connaître de votre ville, redécouvrez-la avec la nouvelle Mini Pro 5 portes. Projecteur full LED pour un style à l'épreuve de tous les regards. Mini connected avec conciergerie pour découvrir la meilleure brasserie de la ville. GPS avec infotrafic en temps réel pour prendre de l'avance sur tous vos rendez-vous. Nouveau design, nouvelle technologie embarquée, nouvelle tendance, nouvelle Mini 3 ou 5 portes. À partir de 230 € par mois sans apport. Mini. Offre pour une Mini H3 porte 75 chevaux, 36 mois sans apport, entretien inclus. Valable jusqu'au 30 septembre, conditions sur mini.fr. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up on like strobe lights. With you I feel something real. And I fingers out of sight, how could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I'm out to escape my fears. Friendships only pass by, show up on like strobe lights. With you I feel something real. Fun sur Fun Radio. On a eu un appel de l'Académie française, oui, qui nous a posé des questions sur cet examen qu'on fait passer tous les soirs et voulait savoir si ça avait été validé par le rectorat. Et oui, monsieur. Oui, absolument, absolument. Il faut savoir que Kassim s'était renseigné. Ah, c'est un diplôme qui est reconnu pas du tout par l'État. Ah, si. Hein, c'est niveau 2. De niveau 2. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors c'est un diplôme que vous pouvez gagner en passant votre examen Love in Fun tous les soirs en nous appelant bien sûr au 01 42 48 5000. Kevin est avec nous, il a 14 ans, il est de Valence. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Kevin. Salut. T'as 14 ans Kevin. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as fait l'amour toi? Il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans. Dans une autre vie quoi. Ah en ça fait. C'est une vanne de 14 ans. Alors on a Taylor aussi, 25 ans de Douai. Bonsoir Taylor. Salut toute l'équipe, comment ça va? Bon, bonsoir. Alors Taylor, c'est quand la dernière fois que t'as fait l'amour toi? Moi, la dernière fois que j'ai fait l'amour, c'était lundi soir. Ah, et c'était bien, ouais. C'était bien. Ouais, bah toujours avec ma chérie, c'est toujours bien. T'as payé combien? Elle écoute. Ah, j'ai payé juste un resto, donc. Putain, c'était pas ça qu'il fallait me répondre. Génial, Kevin et Taylor, vous allez vous affronter ce soir. C'est Valence face à Douai pour gagner, bien sûr. J'ai envie de dire faire le plein de cadeaux, hein, puisque vous repartez avec votre diplôme et le pack Love in Fun de la rentrée. Kevin, tu penses que tu vas éclater Taylor ce soir? Non. Ouais, voilà, c'est bien. C'est quoi? C'est bien d'avoir confiance en soi. Hein. Et Taylor, tu vas faire une bouchée du petit Kevin là, ce soir. Ah mais moi je vais tout péter là. Ce soir c'est moi qui gagne. C'est obligé, donc. Ok, Manu, est-ce que t'as un favori pour ce soir, notre auditeur du soir? Bon, Manu, on peut avoir des surprises, j'ai envie de dire. Très, très bien, Manus ne se prononce pas. C'est ça, se mouille pas le mec. C'est parti, on y va, on démarre l'examen. Une femme russe détient le record du monde d'enfants mis au monde. Mais à combien s'élève-t-il ? 27 enfants, 44 enfants ou 69 enfants ? Kevin ? 24 ? 24, mauvaise réponse. Taylor, tu peux buzzer ? Ok ! Alors c'est combien ? Je vais dire 40, la réponse dans les 40 c'était combien ? Alors c'était 44, là, mais c'est ce qu'a dit Kevin 44. Et c'était pas ça. Ah pardon. C'est soit 27, soit 69. Donc je dirais 27. Et non, c'était 69. Oh. 69 oh enfants à seulement 40 ans, 16 fois des jumeaux, 7 fois des triplés et 4 fois des quadruplés. Voilà. Sans déconner. Ah non, c'est fou, c'est fou. T'as 16 fois des jumeaux et tu continues quoi. Bien sûr, exactement. Kevin. Vraiment une fois par an. Ça veut dire que si tu comptes, vraiment une fois par an quoi. Absolument, Doc, t'as bien fait de prendre Mathieu Matspé. Voilà, pour cette info. Alors, Kevin Taylor, nouvelle question. Je rappelle que vous pouvez buzzer, hein. J'ai oublié de vous demander vos buzzers, mais c'est bon, on les a entendus, ils sont à chier. Oh non, j'aime bien Donald. En quelle année a eu lieu la prise de la Bastille ? Kevin ? 1914. On parle de la Révolution française. En quelle année a eu lieu la prise de la Bastille ? Taylor, t'es impardonnable, tu sais pas ça. Je crois que je vais dire 45. Non mais vous parlez pas de la guerre. La guerre mondiale, on parle de la prise de la Bastille. Tiens, ben je veux dire même attends, je vais poser la question à Kassim qui n'a pas eu son brevet des collèges. 1789, même moi je le sais quoi. Voilà. Attends, Kassim, quel jour ? Le 14 juillet. Bravo Kassim. Il a la feuille. Mais il y a des limites quoi. Mais il a la feuille Kassim. Ah oui, c'est vrai qu'il a les réponses. Attends les gars, essayez d'avoir cet examen parce que ce sera le seul hein, à mon avis. Kevin, faut s'y mettre, hein. Kevin, ça me fait peur. Ça me fait peur pour l'avenir, l'avenir de la France. Ah ouais, on a épelé, peur. Épelé. Alors j'ai même complètement pas envie de poser les autres questions hein, puisque de toute façon, on sait qu'il n'y aura aucune bonne réponse. Alors épelé. Vous êtes nuls hein, ce soir. Hein. Franchement, je suis déçu. C'est quoi quand j'ai mis cette question-là, je me suis dit, ils sont quand même pas assez cons pour pas connaître la réponse. Et vous arrivez encore à nous étonner, Kevin et Taylor. Bravo. Épelé le mot masochiste. Ok. Kevin, plus rapide. M-A-S-O-C-H-I-S-T-E. C'est une bonne réponse, bravo. Masochiste. Tu vois, tu peux être étonnant, Kevin, bravo. Dans quel pays, se trouve la ville de Papette ? Ok. Oui, je t'écoute, Taylor. Je dirais en Thaïlande. En Thaïlande. Alors, Papette, Papété, c'est comme vous voulez. Kevin ? Je sais pas, Espagne ? C'est pas possible. Putain de merde. Alors, on parle de la capitale de Tahiti, qui est voilà, en France, hein, tout simplement. C'est le moment d'avoir territoire des complexes, hein, les gars. Hein. Bon, alors, si on se retire avant une éjaculation, il est impossible de tomber enceinte. Vrai ou faux ? Ok ! Alors, j'ai besoin. Moi, j'ai entendu Donald d'abord. Donald, donc c'est Kevin. Faux. C'est faux, et c'est une bonne réponse, absolument. Pourquoi, Doc, si on se retire avant l'éjaculation, on peut... C'est juste très risqué qu'il en reste encore dedans. Voilà, le coitus interruptus, c'était une vieille méthode de contraception, mais qui n'est pas du tout efficace. Voilà, je rappelle que Doc a passé quelques années au Vatican et qu'il parle couramment latin. Comment tu dis ? Le coitus interruptus. Le coitus interruptus. Merci. Alors, on a une nouvelle question. Un prénom commençant par la lettre B. Ok. Taylor. Taylor. C'est Damien. Damien. Commençant par un B, Taylor. Commençant par un B. Ah, c'est Baptiste, pardon. Non, mais attends, Taylor. Attends. Il s'est repris tout de suite, ah, B. Baptiste. Non, mais bien sûr, et en plus j'ai... Il faut articuler aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. J'en parlerai à ta mère que je connais bien. Kevin, un prénom par la lettre B. Benjamin, c'est une bonne réponse. Mais n'importe quoi, Taylor a dit Baptiste juste avant. Il s'est trompé, ouais. Il a entendu D, et quand t'as dit non, B, direct, il a dit Baptiste. Très bien, on l'accorde. Moi, ça, franchement, surtout que Taylor avait buzzé avant tout à l'heure et qu'il n'a pas eu le point. Ok. Je te remercie. Moi, je suis arbitre. Hein, moi, On l'accorde, l'arbitre est juge. Bah, oui, alors, évidemment. Combien font 10 x 10 plus 10 ? Ok. Taylor ? 1010. Et Cassimi, mais. Kevin ? 110. Bravo, Kevin. Bravo, Kevin. Bravo, allez, Kéké. Taylor, je me vient une question. Quel est ton niveau d'études actuellement ? Ben, c'est moi qui avais répondu, là. Non, t'as dit 1000 et quelques, alors que c'était 110, la réponse, Taylor. Ah. 10 x 10, ça fait 100. Hein, plus 10, ça fait 110. Ah. Donc, ouais, ton niveau d'études, Taylor, juste pour ça. Ça veut rien dire. Ouais, c'est le BTS, BTS, très bien. En plus, ah bah alors là, ouais. Ça veut tout dire, là. Alors, ouais. Attention, nouvelle question. Depuis combien de temps Méloche du Standard n'a pas vu le loup ? Est-ce que c'est une semaine, un mois ou un an ? Ok ! Alors, je dirais que c'est Taylor. Je dirais un an. Un an, absolument. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que Pablo du Night Show était venu voir Méloche et lui avait proposé de la baiser. Hein, donc, c'est un peu border, hein, comme demande. C'est un peu border. Hein. Si mais celui-là, bon, Pablo, je le croise, je lui en colle une, Méloche. Hein. Non, mais c'est un gentleman. Voilà, absolument. Alors, on va faire un petit récapitulatif des points, s'il vous plaît. On est à 3 pour Kevin et 2 pour Taylor. Très bien. Donc, ça veut dire que Kevin, pour l'instant, gagne. Combien de vagins possède la femme kangourou ? Je t'écoute, Kevin. Un. Et non. Ok ! Taylor ? Je dirais deux. Il fallait donner la bonne réponse et c'était 3. C'est donc une victoire de Kevin ce soir. Bravo ! Oui, la femelle kangourou a 3 vagins et 2 utérus. Elle peut donc être ainsi constamment enceinte. Oh la pauvre. C'est une info fan radio. Tu le savais ça, Doc ? Oui. Bien sûr, c'est facile à dire une fois que tu le sais. Quand tu t'as répondu. Bravo, c'est Kevin qui gagne ce soir. Félicitations, Kevin. Yes, tu m'y attendais tellement, quoi. Eh ben, bah, non plus. Non, mais c'est ça. Kevin, est-ce que tu penses que tu vas gagner ? Non, j'ai aucune chance. Et pourtant, Kevin, tu repars avec ton diplôme. Taylor, je suis désolé, tu redoubles, mais bravo. Tu peux revenir repasser ton diplôme quand tu veux. Bah oui. Y a pas de souci, merci. L'examen est pour toi. Gros bisous, Taylor. Salut, Kevin. Salut les gars. Voilà, jusqu'au bout. On va écouter Jonas Blue là maintenant sur Fun Radio au 01 42 48 5000. On sera avec Axel dans un instant. On va prendre des nouvelles d'Axel. On avait appelé sa copine parce que Axel nous avait dit voilà, je suis un petit peu emmerdé. Ma copine sent mauvais de la fouf. Hein, c'était un petit peu délicat de lui annoncer. On l'avait appelé et surtout on va savoir si ça s'est amélioré depuis parce qu'elle l'avait pas super bien pris. On réécoutera d'ailleurs, mais juste avant on écoute Jonas Blue. No future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom. Hey. Loving Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Here we go. Love in Fun est la chaîne YouTube de Love in Fun. Il y a plein de nouvelles vidéos là, les mater qu'on vous met régulièrement justement. Allez liker, activez la cloche. Hein. Ça, vous avez la petite notification et tout. J'ai l'impression d'être un YouTuber quand je dis ça. Et pensez bien à activer la cloche si vous voulez être informé en temps et en heure. Alors oui. La page YouTube de Love in Fun, L-O-V-I-N-F-U-N, bien sûr, pour nous trouver. Et la dernière vidéo qu'on a mis, c'était une vidéo d'Arthur qui nous avait appelé parce qu'il cherchait un plan cul, mais on avait appris en même temps qu'il était en couple. Ah, donc oui. Il s'est passé plein de choses. Allez mater tout ça. On a une réclamation, c'est ça. Pablo du Night Show est avec nous. Bonsoir Pablo. Oui, bonsoir Karel, bonsoir Alice, bonsoir Doug, bonsoir Kelly, bonsoir tout le monde. Bonsoir, salut. Bonsoir Pablo, bienvenue dans Love in Fun. Alors Pablo, j'ai parlé de toi il y a quelques minutes là à l'antenne. Oui. Ah, tout à fait. Alors, je vais réexpliquer pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein, quand je suis arrivé à la radio, Kassim m'a parlé de Pablo, hein, qui était venu dans le studio, enfin pas dans le studio, mais dans le bureau de Love in Fun, pour proposer à Méloche, je cite, de la baiser, puisque ça fait un an qu'elle n'a pas vu le loup. C'est bien ça, exactement. Pablo. C'est exactement ça, Karel. Du coup, j'ai entendu la réponse de Méloche, comme on l'appelle. Hein. Je ne la connais pas. Massa. Je ne connais pas la réponse. Non, je ne connais pas la réponse. En tout cas, il faut que Méloche sache que je suis prêt éventuellement à lui rendre service. J'aimerais maintenant avoir une réponse claire, concrète et précise, parce que sinon, j'en ai d'autres à baiser à cet étage. Ok. Ok. Voilà. Ok. Alors, d'accord. Pablo, figure-toi que tu n'es pas le seul sur le dos. Il y a également Greg, animateur de Fun Radio, qui aimerait peut-être rencontrer Méloche d'un petit peu plus près, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je vois bien. Alors après, à Méloche de choisir. Si elle veut prendre une MST, qu'elle prenne Greg. Si elle veut partir tranquille, qu'elle me prenne. Ok. Alors, je vais te passer Greg, parce qu'a priori, vous avez un différent... Il a voulu intervenir, hein, en entendant, là, c'était trop pour lui. Hein. Vous avez un différent entre chevalier. Non, mais là, ça va pas du tout. Déjà, moi, je précise que je ne suis pas au téléphone, je suis dans le studio. Eh oui, exactement. Ce n'est déjà pas la même chose. L'autre, il est planqué avec son téléphone. Moi, je suis dans le studio. Je suis venu juste parce que je vous écoutais. J'ai entendu cette histoire de Pablo Méloche. Ça suffit, l'autre, là, déjà, qui co-anime une émission le soir, il va pas en plus me prendre Méloche. Et déjà... Déjà, on n'appelle pas Méloche parce que Méloche, c'est pas classe. Elle mérite mieux que Méloche. C'est Mélanie ou Mel ou je ne sais pas comment. Ok. Alors, c'est la première fois, du coup, Greg, que tu fais connaissance avec Méloche comme ça dans le studio. Là. Dans le studio, ouais, je l'ai croisé dans le couloir. Je pensais que c'était une meuf d'M6 du 1245 et tout, tu vois. C'est vrai. C'est pas une vanne. Pablo, si tu veux avoir une chance, viens vite dans le studio. Hein, parce que sinon, là. Non, mais y a pas de souci. Après, moi Karel, y a juste un truc. J'aimerais que tu m'arranges le coup. C'est quoi les clés qu'il y a sur ton bureau, là, Karel? C'est les clés de mon véhicule motorisé. Très bien. Alors sache, Karel, que si tu ne m'arranges pas ce coup avec Méloche, tu ne repartiras jamais avec ta voiture. Ok. Effectivement, j'ai laissé mes clés, mais Pablo. Voilà. Et puis t'as des super lunettes de soleil, hein, dis donc. Alors bon, pas de la gueule. Franchement, du monde, franchement, pour 10 balles, c'est vrai qu'elles sont pas mal. Mais Pablo, mon meilleur ami. Oui, Karel, oui. Viens nous rendre une petite visite dans le studio. J'arrive. Tu vas être accueilli par mon garde du corps, Corentin. Tu vas m'en mettre. Hein? J'arrive, regarde, mon Karel, je suis là. Voilà, vas-y, viens vite. Coco. Je suis là. Coco, tu lui prends les clés. Coco, tu lui prends les clés tout de suite. Il a les clés, les lunettes de soleil. Fais-moi ça. Non, mais sans déconner. Oh là là. Putain, mais c'est quoi? Alors, oh là là. Pablo s'installe. Greg, on vient de se faire pirater l'émission, les amis. Alors, Méloche. Battez-vous. Méloche. Il y a deux mecs pour toi là ce soir. T'as un animateur de Fun Radio et un saltabanque du Night Show. Alors ça c'est exactement ça. Ouais. T'as un saltabanque face à un animateur. Moi je suis Nico Saliagas, lui c'est Jean-Marie Bigard. Quoi. Regarde cette moustache, ces lunettes et tout. En plus, hey, on fait de la radio là. Qu'est-ce que tu nous fais un look comme ça et tout? Parle. Non, c'est ça bien. Ça sert à rien. Mais non, c'est pété ton look là. C'est bien. À l'époque, c'est vrai que Greg, j'en entendais parler. Il a donné des cours de radio dans une école de radio un peu connue. C'est vrai qu'à un moment, moi, quand j'étais un novice, j'ai pensé qu'éventuellement, ce mec-là pourrait m'aider dans la vie professionnelle. Hein? Figure-toi que c'est au moment où j'ai arrêté de le voir qu'on m'a filé le 20h. Un truc incroyable quand même. Alors Méloche, je te le dis. Il n'y aura pas de baratin entre nous. Moi, je te donne pas des roses, je ne t'offrirai pas des grands restaurants, des grands hôtels, rien de tout ça. Je ne t'appellerai pas Mélanie ou Mel, comme dirait Greg. Moi, je vais juste te niquer pour te faire du bien. Non, mais attends. très bien. Greg. Alors, je suis tout à fait contre ces propos et je pense qu'Alice va me rejoindre. Ah, moi, oui. Ça ne m'a jamais posé de problème que Mel n'ait pas fait l'amour depuis un an et demi. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mel, on pourra même attendre encore 6 mois si tu le désires. C'est vrai que ça m'étonnerait que ce soit ce qu'elle désire. Moi, je suis prêt dès ce soir aussi, mais je ça avant tout le choix. Non, mais c'est vrai. En plus, là je sais pas vraiment où dormir. Alors, ça, c'est un argument supplémentaire. C'est vrai, Karel. Voilà, là, je suis très fatigué, j'ai fait 8 heures de train aujourd'hui et c'est vrai que comme Karel, j'habite un peu loin. Bon bah là, hein, qu'est-ce que t'en penses Karel? Bah écoute, tu te démerdes. Alors oui. Méloche. Droit de réponse. Méloche, c'est toi ma chérie, franchement, s'il y en a aucun des deux qui te plaît, je comprends rêve leur physique. tu peux dire non hein, vraiment. Non mais je suis prise au dépourvu là quand même. J'ai pas assez quand même, avec... quand même, pas quand même, quand même. Quand même, on est sur Fun Radio, on parle. Tu on me corriges, je vais prendre Pablo alors. Voilà. Et c'est là que normalement toute l'équipe de Love in Fun dit le bisou. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Et voilà, donc Pablo se dirige pour faire un bisou à Méloche. Et ce sera sur le streaming de Fun Radio. Sur la bouche. Non mais sans déconner, c'est pas possible quoi. Elle s'est pas fait prier. Hein. Ah non. Non alors. Mais on a vu aussi ce qu'elle apprécie, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas que on la corrige. Mais par contre, elle veut bien qu'on la nique avec plaisir. Ah, et Pablo, tu vas me calmer cette petite érection là qui pointe. Bien sûr. J'arrête tout et tu vois, je vais reposer les clés dans ton bureau, les lunettes à sa place et je vous embrasse très fort, Lovin Fun. Salut Pablo et j'ai envie de j'ai de la peine pour. Mais pas du tout. Il a fait le guignol qui fait le show, mais quand même à la radio. Vous vouliez un truc drôle, je vous garantis que dès que les micros vont se couper, je vais aller parler avec Mel et je pense qu'elle choisira la sécurité de Greg. Tu n'as pas démérité en tout cas, vraiment. Alors, si vous voulez connaître voilà, un petit peu plus sur cette histoire, vous aurez des petits instas là, sur Love in Fun pour voir qu'est-ce qui se passe justement pendant la petite pause là, qu'on va se faire. Dans un instant, on va parler justement d'Axel et on va parler aussi de simulation parce que oui, paraît-il, les femmes simulent. Oui, c'est ça. En fait, on a reçu un message de Cléa qui simule quasiment toujours pendant l'amour et elle se demande si c'est le cas beaucoup d'autres auditeurs. On va vous offrir des sextoys Lélo au 01 42 48 5000. Sextoy Lélo à gagner pour tous ceux qui vont réagir. Dites-nous hein, si vous avez déjà simulé pendant l'acte. Il y a des mecs aussi qui peuvent le faire. Hein. N'hésitez pas à nous appeler aussi si vous voulez réagir. Et on revient dans un instant, 3 minutes avec Jason Derulo. C'est Goodbye sur Fun Radio. Suivez Love in Fun en stream vidéo sur funradio.fr. C'est nouveau dans la playlist Fun Radio. Fun. Kicker. Dimitri Vegas and Like Mike. La radio qui vous joue les meilleures nouveautés. C'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Si vous pensiez tout connaître de votre ville, redécouvrez-la avec la nouvelle Mini Pro 5 portes. Projecteur full LED pour un style à l'épreuve de tous les regards. Mini Connected avec conciergerie pour découvrir la meilleure brasserie de la ville. GPS avec infotrafic en temps réel pour prendre de l'avance sur tous vos rendez-vous. Nouveau design, nouvelle technologie embarquée, nouvelle tendance, nouvelle Mini 3 ou 5 portes. À partir de 230€ par mois sans apport. Méné. Offre pour une Mini H3 porte 75 chevaux, 36 mois sans apport, entretien inclus. Valable jusqu'au 30 septembre, conditions sur mini.fr. Fun Radio présente la Spartan Race. Le numéro 1 mondial des courses à obstacles. Entrez dans la légende. Et venez défier la Spartan Race Marseille. La terre d'origine des Spartans vous attend pour un week-end trifecta. Avec toujours plus d'obstacles, d'émotions et de burpees. Spartan! What is your profession? Choisissez votre course. 5, 13 ou 20 km. Et réveillez le Spartan qui sommeille en vous. Le 6 octobre, au circuit Paul Ricard. Avec Fun Radio. Plus d'infos et inscriptions, spartanrace.fr. Bon, maman, la voiture électrique, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Quand je serai sûre qu'on peut aller loin avec. Mais t'inquiète pas, il y a plus de 25 000 bornes de recharge en France. Ah oui? Et j'en veux une très design. Ça tombe bien, la BMW i3 est trop stylée. Et c'est là au moins. Ok ma chérie, on file chez BMW i. BMW i3 plus connected avec charge rapide pour récupérer jusqu'à 160 km d'autonomie en 40 minutes. À partir de 295€ par mois sans apport. Loyer pour une BMW i3 sous conditions de reprise, bonus écologique inclus, LLD 36 mois. À 30 000 km jusqu'au 30 septembre. Détails sur bmw.fr. De 22h à minuit, Love in Fun. du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Time to say goodbye. Derolo et David Guetta, bien sûr, avec Goodbye sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. De 22h à minuit sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio. N'oubliez pas la question à la con. À tout moment dans l'émission, j'aimerais bien une petite question à la con avant minuit. Venez poser toutes les questions que vous voulez ici, hein, tous les soirs, du dimanche, jeudi. Je m'appelle Karel, Alice, bien sûr. Oui. Doc, qui est là, oui. Médecin, sexologue, entre autres. Et Axel, qui est avec nous, 22 ans de Paris. Alors, c'est assez étonnant d'avoir Axel au téléphone. On va vous expliquer pourquoi. Bonsoir, Axel. Salut tout le monde. Salut. Salut. Axel, un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus contente d'être avec nous. Parce que c'est vrai qu'on t'avait appelé la semaine dernière, Axel, on va pas se le cacher. Kevin nous avait appelé dans l'émission pour nous expliquer qu'il avait un petit souci avec toi. Il nous avait dit à l'antenne, voilà, je sais pas comment dire à ma copine, qu'il y a une odeur au niveau de sa foufina. Voilà. Axel, t'as accepté d'être avec nous ce soir pour nous expliquer ce qui s'était passé après cet appel. Ce que je te propose, Axel, si t'es d'accord, c'est que tu nous dises ce qu'il s'est passé. Mais juste avant, on réécoute un petit peu ce petit passage à l'antenne, d'accord ? Ouais, ok, ça marche. On écoute. RTL 2, une... Allô ? Oui, bonsoir, Axel. Oui. Bonsoir, tu penses être en direct sur RTL 2 ? Je sais pas. À ton avis, Axel. Écoute, oui. Eh bien oui, tu es bien en direct sur RTL2. RTL2. RTL2, oh j'adore, oh, je me fais un kiff à chaque fois. RTL2, merci d'être avec nous. Douk est là, ça va Douk? Très très bien. Et voilà, elle est là également, Alicia. Ça va Alicia? Ça va très bien, voilà, merci. Voilà, vous écoutez votre radio Pop Rock Station avec dans un instant Muse. Pardon, Axel. Oui. J'étais trop dans mon personnage, t'es en direct sur Fun Radio. On redescend d'un étage et on est d'accord. Sur la radio du son Dancefloor, d'accord? Ok, d'accord. Ok, Axel. Donc, Fun Radio, Love in Fun. Je m'appelle Karel, Doc, Alice. Salut. Salut. T'es en direct. Ok, salut. Salut. Salut, Axel. On t'appelle parce que ton mec nous a appelé. Ah bon? Ouais. Comment il s'appelle ton mec? Kevin. Il s'appelle Kevin. C'est le bon. Et depuis imagine, elle dit un mauvais prénom, si on est mal. C'est ça. Il s'appelle Michel. Non, c'est l'autre. Non, et voilà. Et Kevin, il nous a appelé dans l'émission. Et tu sais, dans notre émission, on parle de tout, sans tabou. Il y a un médecin, tu vois. Et des fois, on se pose des questions dans sa tête. On n'ose pas en parler. Et pas même à sa copine. Du coup, on se retrouve à appeler l'émission. Et bah là, on s'est senti de t'appeler pour te poser une question et surtout pour te dire quelque chose. Est-ce que tu es prête à entendre ce que Kevin a à te dire ce soir? Ouais, je suis totalement curieuse. Vas-y, Kevin. Voilà, bébé, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Voilà, je t'appelle en fait parce que t'as vu, ça fait 2 ans ensemble, ça, et ça se passe bien. Et en fait, depuis un mois et demi, à peu près, genre. Je sais pas, genre au niveau de ton entrejambe, tu vois, genre je sais pas comment t'expliquer, mais c'est sympa, la même odeur que d'habitude. Et je sais pas, ça sent fort, tu vois. C'est-à-dire? Bah, je sais pas comment t'expliquer. C'est fort, ça pue. Je sais pas, j'ai l'impression que tu te négliges un peu, tu vois. Non, mais attends, bébé, c'est une blague là? Non. Alors Kevin, on avait dit de mettre les formes. Des pincettes. En fait, il s'inquiète un peu. Je savais pas comment l'expliquer. Ouais, je m'inquiète en fait. Je me demande si tu sais, t'as pas chopé une infection, un truc. Une mycose. Avant, c'était pas comme ça, tu vois. Oui, il peut y avoir plein de choses qui peuvent faire qu'une odeur se modifie. C'est pas toujours très grave. Attends, là, c'est une farce, là, ce que t'es en train de faire, là. Tu sens la gueule, là. Mais tu vas me dire que t'as pas. Tu vas me dire que tu le sens pas. Comment ça, je le sens pas? Mais t'es un grand malade, toi. Mais vas-y, pourquoi tu t'énerves? Tu t'énerves? Tu dis que j'ai pas de la chasse, je dois pas m'énerver, en fait, c'est ça le délire. Eh non, mais t'as vu, genre, je m'inquiète aussi en même temps, c'est normal, je me pose des questions, tu vois. Mais t'es un grand malade, toi, pourquoi tu... Viens, on se pose, on discute. Non, toi, t'appelles la radio, tu fais le beau derrière ton téléphone, et tu dis devant tout le monde que je suis de la chasse. Il n'y a pas de faire le bot derrière mon téléphone ou quoi? Regarde, moi je parle tranquille, t'es en train de s'exciter. Vrai, tu crois ça me plaît de voler mes problèmes de couple ou comment? Ouais, mais je suis mort de rire, c'est une blague carrément. Axel? Est-ce que oui. Je peux? Oui, juste 2 secondes. Voilà, simplement, Kevin, il s'est inquiété, il savait pas quoi en faire. Il reconnaît lui-même qu'il arrivait pas à en parler, qu'il savait pas aborder le sujet. Donc, il nous a appelé, nous d'abord, pour essayer de trouver une motivation, savoir comment en parler. C'est parce qu'il s'inquiète. C'est pas, ok, d'accord, c'est sûr, on est à la radio, mais c'est parce que, un, il s'inquiète, et deux, il ne sait pas en parler face à toi, il se retrouve que, voilà, coincé. Il sait pas en parler, alors du coup, il appelle la radio, non mais je suis mort de rire. Alors pourquoi il me laisse la chatte si j'ai plus de la chatte? Peut-être que les mycoses sont comestibles. Ça fait un mois et demi que je l'ai pas fait. Alors, écoute, pas demander pourquoi je le veux plus. Il rentre du taf, il me dit la chatte, et ensuite il appelle la radio et puis il dit que je suis la chatte. Mais je comprends. Franchement, Axel. Ça fait combien de temps que je te l'ai pas fait? Tu t'es pas posé de questions aussi? Kevin, sois pas méchant non plus. C'est pas le but. Non, mais je me pose pas, je deviens pas méchant, mais je suis là, j'en parle de tranquille avec elle, elle est là, c'est que c'est comme une folle. Oui, mais là. C'est normal, mets-toi à sa place. Non, mais d'un côté, je peux comprendre, tu vois. Ben voilà. Je suis là, je parle tranquille et c'est que c'est là. Mais c'est normal, elle tombe de haut, elle se dit. Son téléphone, là. Faut que tu comprennes, Kevin, c'est. Non, mais je comprends, ouais, la vérité, je serai à ta place, ça me soudrait aussi. Ne parlez pas tous en même temps, c'est incompréhensible. Oui, Doc. Oui, je disais, Kevin, il faut que tu comprennes qu'effectivement, se retrouver à la radio pour parler de ça, c'est pas le truc le plus évident. Maintenant, Axel, bon, on va passer là-dessus, vous en reparlerez tous les deux. Il soulève quelque chose, peut-être que ça vaut le coup de voir ton gynéco, de voir ton médecin généraliste et de voir s'il y a quelque chose. S'il y a rien, bon, ben voilà, c'est réglé. Et c'est lui qui se fait un délire ou c'est lui qui subitement a des sensations qui sont pas les bonnes. Bon, voilà, mais faut certainement au moins aller voir cette question-là. Après, je peux éventuellement venir chez toi, Axel, pour te faire un petit frottis pour vérifier ton pH. Tranquille, on va rester. Non, mais là, franchement, c'est surtout chez lui que je vais débarquer. Là, il va falloir assumer, en fait. Mais c'est normal que tu réagisses comme ça, parce que tu te dis, merde, mon mec, on est censé pouvoir tout se dire, et là, il y a quelque chose qu'il a pas réussi à me dire. Sache que c'est anonyme, on sait pas d'où tu viens, on sait pas ton nom de famille, on connaît pas ton âge, rien du tout, c'est totalement anonyme, tu es juste Axel. Si, c'est Axel. Route de la Varenne. N'importe quoi. Le code postal aussi. On sait juste que tu es Axel, et c'est vrai que je comprends, ça me ferait hyper bizarre que mon mec parle d'abord de ce genre de problème à quelqu'un d'autre qu'à moi, mais finalement, c'est parce qu'il savait pas comment s'y prendre, et il savait pas s'il y avait peut-être quelque chose d'autre derrière. Donc c'est vraiment pas contre toi, c'est pas une humiliation, c'est pas le but, c'est juste il voulait ouvrir la conversation pour pouvoir parler de ça avec toi. Mais je comprends que ça puisse t'énerver, c'est normal. Mais il y a pas de souci, hein. Moi je suis totalement ouverte à la discussion, on va discuter, hein. On va aussi discuter de la taille de sa bite, hein, vu qu'on y est. Ah mais oui justement. Et l'odeur. Ah elle est grosse, elle est petite, elle est comment? Bah, non justement non, elle est super petite, mais voilà moi j'appelle pas la radio. Faut pas être méchante Axel. Venir là c'est la meuf. Bon elle. Non, il n'y a pas que ça. Lave-toi, wesh, lave-toi avant de venir. Non, mais arrêtez. On va s'arrêter. Axel, il n'a pas cherché à être méchant, voilà, et à te ridiculiser. Il a posé une question parce que ça l'inquiétait. Il reconnaît qu'il était incapable de t'en parler. Bon, il était coincé. Bon, voilà, parfois on n'est pas très bon en communication et il a voulu des conseils pour en parler. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Ah, mais bien sûr. Et moi, Axel, j'étais dans le même cas que Kevin. Franchement, j'étais hyper gêné parce que je ne savais pas comment en parler. Et il n'y avait pas le Binfun à l'époque. Alors comment j'ai fait pour en parler? Bah, j'ai pris mon courage à deux mains. Et ça n'a pas été facile. Et ce qu'a fait Kevin, c'est vraiment pour toi et pour que ça aille mieux dans votre couple. Bon, j'avais dit ça parce que l'ambiance était quand même vachement tendue. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, je suis très étonné qu'on n'ait pas Kevin ce soir au téléphone, mais qu'on ait Axel. Tant mieux. Et, tant mieux, oui. Axel, t'es là? Oui. Bonsoir Axel. Bonsoir. Alors Axel, déjà t'as l'air un petit peu plus heureuse, hein? Bah oui, je suis un peu plus détendue, ça va mieux. Non mais on peut comprendre que c'était pas évident à entendre, etc. Oui. Axel, donc le jour d'après, que s'est-il passé? Bah comme je lui ai dit, hein, j'étais tellement énervée que j'ai débarqué chez lui. Ok. Et voilà, on va pas se cacher qu'au début on a gueulé quoi. C'était pas facile et puis mais après on s'est posé vraiment. On a discuté de tout ça. Et en fait, j'ai compris le fait qu'il avait du mal, qu'il n'arrivait pas à m'en parler. Et lui, il a compris le fait que je me suis énervée aussi sur le fait qu'il est passé par la radio pour me dire, quoi. Et puis, voilà, ça s'est arrangé. Moi, j'ai pris rendez-vous, du coup, chez la gynécologue. J'y suis allée donc ce matin. Oui. Et effectivement, voilà, elle m'a dit que avec le changement d'hormones aussi, du fait que j'avais changé de pilule et tout, que c'était possible que du coup qu'il y avait des odeurs, tout ça, tout ça. Donc elle m'a prescrit un nouveau savon intime et tout. Et voilà, maintenant à voir. En tout cas, ça s'est arrangé quoi. On s'est resté là-dessus et je trouve que c'est cool quoi. Ok, donc, bon, ça, c'est... Ah bah, super. Franchement, super. Ouais. Tout est bien qui finit bien et juste que voilà, Kevin. Elle ne savait pas comment t'en parler, donc il a trouvé Love in Fun pour faire le premier pas. Bravo, vous avez su communiquer au final. C'est simple, bon. Ça que j'avais du mal. J'aurais préféré en fait, qu'il me dise directement à moi. Je veux dire, on est quand même ensemble depuis 2 ans. Je suis ouvert d'esprit. Je peux tout à fait comprendre. Mais après, c'est vrai que je me mets à sa place et je me dis que c'est toujours compliqué à dire. Quoi. Et oui, bientôt le retour du CUNY. tu sais, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, Axel, l'autre jour, quand on t'a eu à l'antenne. Quelqu'un qui, par exemple, a une mauvaise haleine, imagine que lui, il ait une mauvaise haleine. Tu te vois lui dire? Ce serait facile? Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez franche, donc ouais. Bah oui, on a vu ça. Du coup, les solutions pour sa petite bite, c'est quoi? Parce que tu lui as quand même balancé ça à l'antenne. Oui, j'avoue que ça, par contre, c'est encore mal passé. Ah bah oui. Mais voilà, je lui ai dit par derrière que voilà, il sait bien s'en servir, donc ça va. Voilà. Ah, et on arrondit les angles. Là. T'as pas démenti, quoi, putain. Quand même. Bah oui, elle est petite. Hein. De toute façon, la moyenne, c'est 13 cm. Alors, oui. Voilà, 13, c'est petit. Pour être humble. Salut, gros bisous, Axel. Merci beaucoup d'avoir donné des nouvelles, en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Salut Axel. Dans un instant, sur Fun Radio, on va parler de simulation pendant l'acte. Est-ce que vous avez déjà simulé? C'est le moment de venir nous en parler sur Fun Radio. Je rappelle qu'il y a des sextoys Lelo à gagner au 01 42 48 5000. On aura aussi un témoignage très très lourd d'Amélia d'ici quelques minutes dans l'appel anonyme. Vous restez bien avec nous et vous découvrez le nouveau Aya Nakamura. Voici Copine. C'est Fun Radio, c'est Love in Fun. Il m'a dit t'es où, je te rejoins tel. J'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. J'suis pas tout blanc bête, à ma télé fessée. J'réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. T'es barré, mais t'en veux encore. Toi, tu crois viser dans le mic. Voudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. Il a plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Ah, mes copines, ah, mes copines. Tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Ah, mes copines, ah, mes copines. Tu veux que bomba. Nakamura sur Fun Radio. C'est l'heure de l'appel anonyme sur Fun Radio. L'appel anonyme, une des nouvelles séquences de cette saison hein, sur Fun Radio, vous le savez, c'est pour vous l'occasion de pouvoir témoigner ici en direct sur Fun Radio et en étant totalement anonyme. On va accueillir Amélia dans Love in Fun sur Fun Radio. Bonsoir Amélia. Bonsoir. Bienvenue dans Love in Fun. Amélia, c'est pas ton vrai prénom. T'as choisi justement de changer ton prénom pour pouvoir témoigner en étant, en étant sûr d'être totalement anonyme. Ce soir, t'as un témoignage très lourd à nous raconter. Qu'est-ce que tu voulais dire ce soir en direct sur Fun Radio, Amélia? Déjà, j'ai 14 ans et ça fait 4 ans que je suis placée en foyer. Et je voulais vous demander si c'était un blocage pour mon avenir. D'être placée dans un foyer? Ouais, en fait, en gros, je vous explique. Ça fait 4 ans, donc depuis que j'ai 10 ans, que je suis placée. Parce qu'en fait, ma mère, elle a des problèmes, elle est alcoolique, donc elle boit. Et un jour, elle avait son copain depuis pas très très longtemps. Et son copain, il a abusé de ma petite sœur et moi. Oh, oh là là, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Des choses, ça me dégoûte un petit peu, mais des trucs de grand, quoi. Je sais pas comment vous dites. Ouais, ok. Mais ouais. Si tu te sens pas d'en parler, t'en parles pas, Amélia, mais ouais, il a abusé sexuellement, quoi. Ouais, c'est ça. Il vous a violé? Non, pas violé, mais agressé sexuellement. D'accord, il vous a touché, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est passé comme un viol, mais pour ma petite sœur, non. Elle avait quel âge? Elle a quel âge, ta petite sœur? Ma petite sœur, elle avait, lors des faits, elle avait 8 ans. Et moi, j'en avais 10. Et En gros, je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est qu'il n'y a pas eu pénétration avec son... Non, mais je sais pas comment vous expliquer. Il y a pas eu pénétration. Dis-le avec tes mots. Te prends pas la tête. Tu le dis avec tes mots. Tranquille. Il n'y a pas eu pénétration avec sa partie, quoi. Mais avec... je sais pas comment vous expliquer. Avec des doigts. Il a utilisé des doigts, donc il y a pénétration. Donc il y a viol. De toute façon. Oui, c'est ça. Voilà. À partir du moment où il y a pénétration. Pas, voilà, c'est ça. Il n'y a pas seulement attouchement. Attouchement, c'est qu'il touche. Voilà. Ouais, à partir du moment où il y a quoi que ce soit qui rentre quelque part, c'est tout. Ça suffit à être considéré comme viol. D'accord. Et en plus, c'est de la pédophilie. En plus. Ouais. C'est de la pédophilie. Ça a commencé à 10 ans. Ouais. Il a été jugé lundi, là, du coup, c'est bon, ça fait un peu remué et tout. Ça fait quand même 4 ans, mais il a été jugé que lundi. Et alors, il a été condamné ? Ouais, il a été condamné. Là, il était en détention depuis 2 ans, puisqu'il a pris la fuite. Et là, il a repris 4 ans, je crois. Okay. Donc, en gros, ça fait 6 ans et il a un non-droit de séjour dans ma région. Oui, oui. Il a une injonction thérapeutique aussi, il est obligé de se soigner. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et t'es heureuse de savoir qu'il a été puni pour ça ? Ouais, je suis heureuse, mais moi, pour de vrai, si c'est moi qui le punissais, parce que moi, j'ai la rage contre lui, hein, parce que ça m'a tout bousillé, toute ma vie et tout. Donc, si je pouvais, moi, je l'aurais jeté dans un feu, ou je sais pas. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a bousillé, là, alors ? Bah, en soi, c'était l'élément qui a fait que maintenant je suis en foyer, parce qu'il y avait un signalement de toute façon dans tous les cas, mais il a accéléré les choses, mais bref, c'est n'importe quoi. Mais à partir du moment où lui il est en prison, que ta mère est alcoolique, c'est sûr que tu peux pas rester dans ce domicile. Donc ouais. Voilà pourquoi t'es placé en foyer. Ça aurait pu arriver aussi, même sans ça, parce que ta mère a un problème avec l'alcool. Le foyer est pas un souci en soi. De toute façon, ça aurait été un beaucoup, beaucoup bien pire souci que tu restes dans cette atmosphère-là. Donc le foyer, de toute manière, c'est mieux par rapport à ce que ça aurait été. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc le foyer, c'est pas une perte de chance. Faut pas que tu le vois comme ça. Au contraire. C'est quoi actuellement ta vie dans un foyer ? Parce que y en a, je suis sûr qu'ils nous écoutent, qui entendent dire qu'il y en a qui vivent dans ce qu'on appelle des foyers. C'est quoi la vie là-bas ? Vous êtes plusieurs, vous êtes dans des chambres, il y a des personnes qui s'occupent de vous, en fait, c'est ça ? Ouais. En gros, le foyer, le terme, il fait un peu peur, mais après, pour de vrai, il y a un cadre avec des éducateurs. Il y en a certains avec lesquels on s'entend pas trop, d'autres avec lesquels on s'entend. Mais après, le truc, c'est qu'il y a des périodes, on va dire, où tout le monde parle de ses problèmes. Donc, c'est un peu problème sur problème. Ouais. Et puis, il y a des périodes où on a l'impression, je sais pas comment vous expliquer, vous voyez une colonie de vacances. Ouais. Et on a l'impression d'être dans une colonie de vacances H24. Ouais, c'est ça. Dans certains moments, mais bon. Oui, parce que t'es un peu avec des jeunes de ton âge ou un peu plus ou un peu plus jeune et vous êtes toujours ensemble, tout le temps ensemble, et donc vous pouvez aussi vous amuser, rigoler. Un foyer, c'est l'endroit où il y a le feu, c'est le feu familial, le foyer familial. Ouais. Donc c'est pas un terme péjoratif. C'est vrai qu'on l'entend souvent de manière péjorative, mais c'est un foyer où on peut se réchauffer. Et ça te fait peur. Ça te fait peur d'être en foyer. C'est pour ça que tu nous appelles. Tu veux savoir si le fait d'avoir été placé en foyer, ça va faire de toi quelqu'un qui va avoir du mal à affronter la suite, l'avenir. Ouais, c'est ça. Mais surtout que il y a des gens. Le terme cassos, il est employé pour tout et pour rien. Vous voyez, mais cassos, avant d'être une insulte, c'est les cas sociaux. Donc c'est nous, je sais pas. Et puis du coup, il y a des gens, des fois, ils nous insultent de cassos, des trucs comme ça, je sais pas. Non mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Le truc, Amélia, c'est que là, ce qu'on entend, c'est une jeune fille de 14 ans qui parle très bien, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et qui a l'air d'avoir beaucoup de maturité. Et qui a su rebondir à tout ça, parce que malgré tout, tu en es là. Tu as fait le choix de sortir de la famille d'accueil qui était pas bonne. Tu as aussi, je pense, porté plainte. Et voilà, et tu sais t'en sortir, t'as les ressources en toi. Donc, foyer, pas foyer... Toi, tu sais te sortir des situations difficiles. Et c'est là-dessus qu'il faut compter. Le foyer, c'est un endroit où c'est un refuge, c'est un endroit où tu peux te réchauffer, voilà. Et toi, tu en feras quelque chose. Ce que tu vas faire derrière, c'est toi qui le maîtrises, c'est toi qui as ta vie entre tes mains. La preuve, c'est là où tu en es aujourd'hui. Doc, quand on subit comme ça des traumatismes en étant enfant, on en garde des séquelles toute sa vie ? C'est souvent difficile, et même après des thérapies, des choses voilà bien entourées, où on trouve un compagnon, une compagne, etc. Et souvent il y a des choses qui restent très longtemps. Il s'agit de tout faire le processus entre en parler, ne pas rester seul avec, que les personnes soient condamnées, que tous ces processus soient faits pour qu'on arrive à en sortir. Oui, mais c'est vrai que parfois dans la tête il reste des petites bribes. Ah, forcément. Ouais. T'es soutenue un petit peu psychologiquement, Amélia? Ah bah, au début, oui, beaucoup. Et là, aussi, ça va se remettre en place parce que c'est la rentrée, tout ce qui est psychologue et tout. Hein, c'était pendant les vacances, ça s'est un peu arrêté. Mais je dis que j'en ai pas besoin, mais quand j'y vais pas, je le sens. Attends, on te perd un petit peu des fois, Amélia, avec ton téléphone. Ah, ok. Tu perds un petit peu le réseau, là. Vous m'entendez ou pas? Ouais, là, c'est mieux, là. Okay. Et... Ok, donc là, tu en ressens le besoin. Il faut que tu y ailles, de façon. Oui, comme elle dit, c'est vrai. Tu penses ne pas en avoir besoin, mais quand tu y vas pas, tu vois que ça te manque. Oui. Ouais, c'est ça. Écoute, nous, tu sais, on est là tous les soirs entre 22h et minuit. Si jamais pendant cette saison, cette année, au collège, enfin, ouais, t'es ça, t'es en troisième, toi. Hein. Ouais, je suis en troisième, c'est ça. Ouais, si jamais ça se passe pas bien, t'hésites pas à nous appeler, ou même dans ton bahut, ouais. Si on te traite de cassos et tout, viens nous en parler, Amélia. Ouais, on va les appeler, nous, ceux qui te traitent de cassos. Ouais, et puis surtout, on te dira comment est-ce qu'il faut réagir, parce que souvent, on réagit mal. Hein, ouais, bah oui. On sait pas trop comment réagir. Nous, on est là, en tout cas, tous les soirs, 22h minuit, tu peux nous appeler, Amélia, et on sera ravis de te parler, t'entendre, t'écouter, et essayer, justement, de te faire sentir mieux, quoi, tout simplement, Amélia. Merci. En tout cas, beaucoup d'admiration pour toi, qui a vécu toutes ces épreuves difficiles, et qui continue, d'affronter la vie tous les jours, quoi. Bravo, et continue. Gros bisous Amélia. Salut. Gros bisous à vous. Bisous. Un témoignage très lourd, hein, d'Amélia, vécu sur Fun Radio. Dans un instant, vous restez bien ici, on va parler de simulation. De simulation et notamment d'avoir peut-être grillé son mec ou sa nana en pleine simulation. Ah ouais, ça arrive ça. Ah ouais, et les mecs par exemple peuvent simuler dans un préservatif. Oui. Hein, oui. Genre tu fais genre c'est bon j'ai joui, sauf que il y a des filles qui sont allées vérifier la capote, hein. Venez nous raconter si ça vous est déjà arrivé, appelez-nous là au standard 01 42 48 5000. Les filles, venez simuler en direct, on vous offre des sextoys Lilo, vous restez bien avec nous et on revient tout de suite sur Fun Radio avec Chris Cross Amsterdam. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Le Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. It's Vachier time! Vachier prend le contrôle de Fun Radio ou des personnages qui sont dans la tête de Vachier. Sylvain Plagiat en fait partie. C'est un, je dirais, chanteur maudit. Toutes les idées de chansons que vous avez pu avoir, vous vous les êtes fait piquer. Je vous chante mes chansons originales. Oui. Et vous devinez qui c'est qui m'a volé ma chanson. Première fois que j'y ai allé, j'ai adoré le grand 8 et les bouées. On y passe des journées géniales à Walibi. Dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Bon, maman, la voiture électrique, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Quand je serai sûre qu'on peut aller loin avec. Mais t'inquiète pas, il y a plus de 25 000 bornes de recharge en France. Ah oui? Et j'en veux une très design. Ça tombe bien, la BMW i3 est trop stylée. Et c'est là au moins. Ok ma chérie, on file chez BMW i. BMW i3 plus connected avec charge rapide pour récupérer jusqu'à 160 km d'autonomie en 40 minutes. À partir de 295€ par mois sans apport. Loyer pour une BMW i3 sous conditions de reprise, bonus écologique inclus. LLD 36 mois, 30 000 km jusqu'au 30 septembre. Détails sur bmw.fr. Fun Radio, les sons de la rentrée 2018. 40 tubes exclus Dancefloor, Tiesto et Djeko, Martin Solveig, Dino Ro et Gigi D'Agostino, Ariana Grande, Jonas Blue, Maître Gims, Dadju, Kygo Fit, Imagine Dragons, Armin Van Buren. Les meilleurs sons sont dans Fun Radio, les sons de la rentrée 2018. Si vous pensiez tout connaître de votre ville, redécouvrez-la avec la nouvelle Mini Pro 5 portes. Projecteur full LED pour un style à l'épreuve de tous les regards. Mini connected avec conciergerie pour découvrir la meilleure brasserie de la ville. GPS avec infotrafic en temps réel pour prendre de l'avance sur tous vos rendez-vous. Nouveau design, nouvelle technologie embarquée, nouvelle tendance, nouvelle Mini 3 ou 5 portes. À partir de 230€ par mois sans apport. Mini. Offre pour une Mini H 3 portes 75 chevaux, 36 mois sans apport, entretien inclus. Valable jusqu'au 30 septembre, conditions sur mini.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. On n'a pas de bol, t'as guéri pas de guerre, t'es qu'un bad boy.

Effectivement, ça m'est déjà arrivé. Vas-y, alors, explique-nous en quelle occasion, pourquoi avoir triché comme ça avec ton homme. Alors, c'était pas avec mon homme, c'était avec un mec que j'ai rencontré en soirée, on va dire. Ouais. Donc, c'était juste un casse-croûte, hein. C'était pas. Voilà. comment tu parles des hommes? Bah, la raison. C'était clair entre nous, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de coupe, il n'y avait rien, quoi. D'accord. Donc, bon, jusque-là, tout va bien. On est sous la couette, il se déshabille, je me déshabille, bon, machin. Et puis là, donc, il se met sur moi, et puis là, je le regarde, et puis je vois, il est à fond, quoi. Il s'agite. Bah, c'est ça? Il s'agite, ouais, il a l'air à fond, même sur son visage et tout. Et je me dis, oula, il y a un problème, t'es pas dedans. Moi, je lui dis pas, mais. Quoi? Attends, il était pas dans ton vagin? En fait, je sentais rien, en fait. Ah ouais? Ah oui, ok. Carrément, tellement c'était petit, quoi. Je sentais un frottement, mais il était pas dedans, quoi. Un chatouillis. Ah putain! Un chatouillis, quoi, ouais. Alors au début, je me suis dit, peut-être juste il se frotte et puis il va venir. Non. Donc bon, il finit son affaire. Donc bien sûr, pendant, j'ai simulé. Je voulais pas le vexer. Ah ouais. Donc t'as simulé. Voilà, donc t'as fait quoi? T'as fait des petits bruits. Ouais, voilà. Oh oui, c'est bon. Vas-y, continue. Enfin voilà quoi. Ah ouais, putain. C'est la base. Pas dit comme ça, je pense. Ah bah non, pas dit comme ça, mais je voulais qu'il finisse vite parce que bon, voilà, moi je me faisais chier, quoi. D'accord, oh, putain, donc voilà. Donc à la fin, c'était marrant parce qu'il me dit, bon, du coup, tu me laisses ton lume. Non, moi c'était clair, hein. Tu sais, moi je veux pas de numéro. Ah ouais. Oh putain, gênant, c'est tout. Ah ouais. Est-ce que tu t'attendais à un dieu, quoi? Un dieu du sexe, Marie? Bah peut-être pas un dieu, mais un truc normal, quoi. Ouais, enfin un truc cool, quoi. Tu te disais. Un truc consent, quoi, en fait. Ouais un truc. Voilà, mutuel, un truc sympa, quoi. Mais ouais, d'accord. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose que tu as déjà fait, même dans des relations un peu plus longues. Non, pas du tout, parce que je vois pas l'intérêt de simuler quelqu'un avec qui on est proche, sinon il s'améliore jamais, quoi. D'accord. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Marie. Enfin voilà. Moi, ça m'arrange bien. Autant lui aussi. Expliquer. Enfin voilà, ouais. Non mais bien sûr. Bête de simuler, mais là, c'est vrai que c'est la situation. Je le connais pas, je voulais pas le vexer. Je voulais pas qu'il se sente mal. J'y allais, c'est bon. Comme ça, c'est plié et puis on n'en parle plus, quoi. Donc pourquoi certains simulent et surtout certaines, parce que la plupart du temps, on parle plus des filles que des mecs qui simulent. Bah malheureusement, c'est pour faire plaisir. Ouais. Voilà, pour pas vexer l'autre. Voilà. Mais aussi parce que on a quand même pendant très longtemps mis la femme du côté de celle qui doit subir, qui a rien à dire, qui a pas son mot à dire, etc. Donc aujourd'hui quand même la parole est plus libérée et donc elles se permettent davantage de dire non, j'ai pas joui. Hein. Ouais, c'est ça, mais bien sûr. On a Amélie aussi qui est là. Oui Marie. Oui, vas-y Marie. Non, je réagissais, c'est vrai que non, c'est raté, j'ai pas joui. Bah oui, t'inquiète pas. Amélie nous rejoint sur Fun Radio, bonsoir Amélie. Salut la famille. Bonsoir Amélie, alors t'as 22 ans et t'es à Bourges toi Amélie. Ouais. Tu simules à Bourges toi? Oui. Ah ouais, non mais j'ai entendu parler de ça, hein. À Bourges, il y a un paquet de simulatrices. Ah oui. Non, c'est vrai. Voilà, ça c'est ton dernier enregistrement à l'Olympia, Amélie. Sur la scène de l'Olympia, voilà. Quand tu te faisais prendre par ton petit ami Olivier. Généreuse. Alors, Amélie, t'as déjà simulé ou pas, toi? Oui. Oh, une fois. Une seule fois? Avec qui? Avec un plan cul, parce que je m'emmerdais, clairement. D'accord. Et alors, plutôt que de lui dire que tu te faisais chier, t'as préféré mentir? Non, c'est, je me suis dit... Si je simule, il va venir plus vite. Ah bah raté. Ah il a tellement kiffé le mec, il se disait oh putain, je vais la régaler ce soir. Hein. Je vais tout lui donner. Que ce soit niveau clinique, j'ai rien senti en fait. Il a été comme un lapin et j'ai simulé. Mais au bout d'un moment en fait, même moi, j'étais prête à rire de comment je simulais tellement c'était gros. Et il m'a dit putain, je suis contente de te faire jouir. Ah, ah ouais, bah ouais. Et tu pensais que t'allais te faire griller en fait. C'est le risque qu'il m'a pris en fait. Mais voilà. Et il t'a dit, puisque c'est comme ça, je vais continuer. Bah voilà, il a continué. Moi, j'ai pas pris mon pied du tout, mais clairement. Et lui, il a fait son petit plaisir. Après, il s'est endormi comme une grosse merde, et puis voilà. Mais tu lui as dit, t'as fini par lui dire, écoute, sexuellement, c'était pas le top? Le lendemain, oui. Quand j'ai bu mon café, j'ai dit, au fait, j'ai rien senti. Ah ouais. Ah oui, ok. Ah, il quoi. Fallait un bon café pour le annoncer le truc. Ah ouais, c'est ça. Non mais franchement, il a été comme un lapin. Faut y arrêter les gars, quoi. C'est pas un terrier notre chat. Hein. Non, mais... On va en faire une promo pour l'émission. Eh, c'est pas un terrier notre chat. Hein, les gars. J'adore. Ah, mais... Non mais sérieux. Non mais. T'as raison. Non mais parfois, tout voilà, on n'est pas non plus ultra performant. Non parfois... mais ça je conçois, hein, je conçois totalement. J'adore la brutalité, mais là c'est plus de la brutalité. Hein. T'es one again de la beast to fly, hein. One again, the beast to fly. Ah bah, y en a qui savent pas faire, hein. Y en a qui sont incompétents sexuellement, c'est vrai. Ah, bien sûr, arrête de me regarder. Oui, mais ils ont des doigts pour ça. Il faut des lois. Des doigts, ils ont une langue. Ils ont des doigts, ils ont une langue. Mais alors là, ni l'un, ni l'autre, ni l'autre, hein. Ah, Amélie, c'est quoi un bon coup pour toi? Franchement, qu'on prenne déjà notre pied tous les deux, déjà. Ouais, ouais. Mais alors, franchement, qu'ils me prennent par le. Qui me prennent par l'oignon. Attends, qui te prennent par l'oignon. L'oignon, ça veut dire ma quoi ça? De ah, tu veux qu'ils t'ont sodomie quoi. Ah, oui, d'accord. Voilà, je veux de la sodomie, je veux qu'ils prennent par mon derrière. Ah, bah oui, bah ok, d'accord. Et bah... t'as plus de plaisir que qu'avec la pénétration vaginale parce que ça t'excite beaucoup plus. Largement. Ok. Ah. Clito et sodomie, alors hein, mon pote, je touche le septième ciel. Ah, ouais, ah bah oui, ouais, mais il y a le clito quand même qui est toujours là, forcément. Genre petite sodo et petit touchage de clito. Sodo clito. Par devant, quoi. C'est ça. Putain, Amélie, elle vive Bourges. Hein. Allez. Putain, sans déconner. Ah, ça sait vivre. Hein. Olivier, 27 ans de Paris, nous rejoint avec Manu, également notre auditeur du soir. Ça vous fait rêver, les amis, ou pas, là? Ah bah la mort, bonsoir l'équipe, ouais, pas de soucis moi, ça me fait rêver. Je dispo ce week-end si elle veut. Eh putain, eh, calmez-vous les mecs. Grave. Calmez-vous. On va commencer par Olivier, tu voulais réagir. Ouais, tout à fait, bonsoir l'équipe. Ouais. Ouais, alors moi c'était une super nana, c'était mon ex et elle avait un gros souci, c'est quand on faisait l'amour, et elle sentait très mauvais de la bouche, quoi, elle puait de la gueule. Ouais. Mais juste quand on faisait l'amour. D'accord. C'est bizarre. Ouais, et donc, je simulais, quoi. Je voulais que ça aille très vite, que ça se finisse très vite, quoi. Et tu simulais voilà. Comment, alors? Eh ben, je simulais, j'avais la gaule, quand même, parce qu'elle était magnifique, quoi, au niveau du corps, mais la bouche, c'était pas possible, quoi. Elle sentait trop la merde. Je l'attendais pas. Putain, et donc, tu lui as fait croire que t'avais joué dans la capote? Pas du tout, pas de capote, non, je la prenais en levrette en fait, j'étais obligé, sinon je débandais direct. Ouais. Ouais, mais elle s'en est rendue compte que tu n'avais pas éjaculé à l'intérieur d'elle? Non, c'est une simulation, mais jusqu'au bout, quoi, j'éjaculais, quoi, je venais jusqu'au bout. T'arrives à éjaculer? Non, mais t'as pas... Mais c'était très rapide, quoi, j'ai dû passer pour un mauvais coup, parce que moi, je pouvais pas... Même dans la pièce, si tu veux, c'était une chambre, la chambre, elle était en puantier, c'était pas possible, quoi. Ouais. Oui, c'est pas vraiment ce qu'on appelle de la simulation. La simulation, c'est simuler l'orgasme, c'est faire croire qu'on en a un alors qu'on en a pas eu. Ouais. Tandis que toi, tu vas jusqu'à l'éjaculation. Alors, peut-être que t'as pas eu d'orgasme. Voilà, on peut avoir une éjaculation sans orgasme. Voilà, c'est ça en fait. J'avais aucun plaisir avec voilà. Elle. C'était vraiment juste mécanique, quoi. Ok. Ça arrive aussi aux hommes. Hein. Bien sûr. Il y a une statistique qui dit dans une étude qui dit qu'il y a 27% des hommes qui simulent. Alice, t'as déjà simulé, toi? Pas simulé, j'en ai peut-être déjà un peu rajouté. Voilà. Un peu rajouté, comment ça? Un peu rajouté, genre dans le feu de l'action, quoi. Mais parce que, je sais pas, je trouvais ça excitant et puis que ça l'excitait et que voilà, mais c'est pas pour ça que j'avais pas de plaisir. Mais on se doute bien que de toute façon, une femme, une femme n'a pas un orgasme qui dure pendant tout le temps de la pénétration, on se doute bien, quoi. Donc il y a bien des moments où elle fait des bruits de plaisir alors qu'elle n'est pas en plein orgasme. Tu vois? Alors c'est quoi la différence entre un bruit de plaisir de je sens pas grand chose et un bruit de plaisir de j'en sais rien, c'est pas une question de différence. C'est dans l'intensité. Peut-être un peu dans l'intensité, mais des fois c'est pas pour ça que tu simules, que c'est juste, tu vois, enfin tu prends du plaisir et t'es pas en train d'avoir un orgasme, mais c'est pas pour ça que tu ne le témoignes pas par l'écrit. En rajouter, c'est quelque chose qui est stimulant, excitant, oui, un c'est jeu, ça. Hein, sans que ce soit une vraie simulation, c'est autre chose. Oui, voilà. Ah, mais nous, ça nous excite de ouf hein, quand la fille commence à dire ah, vas-y mets-la au fond, si je la sens de ouf. Ah, oh, elle est bonne ta queue. Forcément. Là, elle simule, ouais, en effet. Ah, oh, merde. Ah, oh, je me doutais que c'était un peu louche, cette histoire. Je remercie tout le monde. C'est déjà fini, là, sans déconner. Eh, vivement la nuit blanche. Hein. Eh ben, oui. Hein. Jusqu'à 6h du mat, on va vous vendre du rêve sur Fun Radio. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Pour Marie, pour Amélie et pour Olivier. Vous savez ce que vous gagnez, là, les amis, là? Non. Notre considération. Et ça, c'est beau. Hein, toute notre amitié. Ouais, de l'amour. De l'amour. Ah oui, et des sextoys Lélo. Ah oui, hein, ça, Amélie, tu pourras la mettre dans ton anus. Et toucher ton clito en même temps. Allez. Elle est pas belle, la vie. Hein, vive Fun Radio. Merci, les amis Radio. Oui, pas de problème. Olivier, tu reviens quand tu veux. Gros bisous. Merci, c'est gentil, bisous. Et ben, toi aussi, on te l'envoie, hein, ton sextoy Lélo. Ah, et, oui. Et pour Marie aussi. Marie, ça te ferait plaisir d'en avoir un? Ah bah carrément, oui. Il est pour moi, d'accord. Je te l'envoie. Viens le chercher. Viens le chercher dans ma cabane. Dans la forêt de Brocéliande. Alors, Manu. Oui. Manu, tu veux un sextoy toi aussi? Bah allez, pourquoi pas, ça m'en fera un quatrième. Là, si, on va t'envoyer celui pour homme là. Ah oui, Billy là, que tu pourras mettre dans ton anus aussi. D'accord, Manu. Bah nickel, merci beaucoup. Hey, Loving Fun, l'émission qui s'occupe de vos orifices. Ouais. Ah oui, on est vos orifices, franchement. Ah oui, on réinvente des jingles. Ah oui, Manu. L'émission qui s'occupe de ses auditeurs. Absolument, oui. il faut être proche de vous. Hein. La proximité, c'est important. Ah bah là, plus proche, on fait pas. Manu, c'est le moment de terminer cette émission. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux te lâcher. Vas-y, fais-toi plaisir. Eh bien, merci beaucoup à toute l'équipe, vous avez été géniaux. Et eh bien, aux auditeurs aussi, parce que c'est un tout, une bonne équipe, des bons auditeurs, c'est comme ça qu'une bonne émission qui dure. Et un bon auditeur du soir, bravo, oui. Manu, hein. Tu reviens quand tu veux. Voilà. Salut Manu. Salut. Eh bien, bonsoir à tous et puis à bientôt, j'espère. Salut, quelle politesse, hein, jusqu'au bout, il nous aura vendu du rêve, il avait une classe ce Manu, là, j'aime beaucoup. Mais bon, il n'y a pas plus classe que Matt. Party fun. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dois de l'argent en ce moment? Pas du tout. Non, mais moi je fais des compliments tout le temps. Non, mais c'est vrai, il y a trop de gens qui critiquent tout le temps, tu vois, qui cherchent à enfoncer. Ah, mais attends, on veut savoir qui? T'as des noms du coup? Ah, ouais, bien sûr. Ne me lance pas là-dessus parce que moi je dis tout. Donc, faut que je ferme ma gueule. D'accord. Non, mais pas du tout ici à Fun Radio. Hein. Mais je pourrais t'en balancer pas mal. Ah, d'accord, pas mal. Bah pourquoi pas. Des stars et tout, surtout dans le milieu de la médecine. Ouais. Non, mais nous on n'est pas concernés du coup. Ici, hein, bien sûr. Hein, ah non, mais pas du tout. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu de médecin. Ça va très bien, écoute. Ça va très très bien. Je viens d'avoir la vision, tu sais, du slogan que tu disais tout à l'heure. Love in Fun, l'émission qui s'occupe de vos orifices. J'imagine bien, tu sais, 4 par 3 dans les rues, tout ça, avec la phrase. Ouais. Pas mal, hein. Ah bah, on va bosser là-dessus. Petit axe de communication pour cette rentrée. C'est pas mal. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dès demain sur Fun Radio et vous passez la nuit avec Matt. Et là, c'est Party Fun. On va écouter l'intro. Nouvelle intro. Ah oui, nouvelle intro. Intro qu'on adore de Party Fun dans un instant. Elle est énorme. Génial. Il n'y a pas que l'intro qui est cool. Hein. Ah bah je vous le dis, vous restez aussi après. Il n'y a pas que l'intro qui est énorme. Bon, bref. C'est le combienième de passage antenne là, qu'on fait avec Matt là, et maintenant il nous parle de sa bite. Oh là là. Ça y est. Vous m'avez débridé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et bonne émission, Matt. À demain, Party Fun. C'est parti jusqu'à 1h du matin avec tous vos sons préférés évidemment. Et puis là, on va se faire plaisir avec du hardstyle à 1h du matin pour terminer l'émission. Il va y avoir plein de souvenirs aussi du Armin Van Buren et puis Martin Garrix et Kungs pour démarrer l'émission ensemble sur Fun Radio. C'est parti. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. You will discover a new sensation. Party Fun. the lights go down.